dans la vie. Croisière d'assemblage requis. On accueille pour la première fois Myriam Fugère avec sa chronique culturelle et Stéphanie Gagné partage un autre de ses plats favoris à la vie de croisière d'assemblage requis maintenant. On a une longue intro, hein, n'est-ce pas? Oui. Oui, t'es passé à la course chercher des feuilles et les imprimantes sont rendues très, très rapides de nos jours. Hein. C'est print. Ouais. Bienvenue à Assemblage Requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marc-Pierre Lafourche-Bourrel. Et on est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce jeudi 16 juin 2011. Aujourd'hui, au programme, on a des chroniqueurs qui vont passer devant nous pour nous discuter de différents sujets. Tout plein de chroniqueurs, en plus. Plusieurs. Ils sont nombreux. C'est ça l'affaire. On a Simon Fitzbé avec sa chronique Le Scout des Internets qui va toujours nous parler de choses geek. Hein? On a qui? On a Myriam Fugère avec sa chronique culturelle. Et là, c'est une nouveauté à l'émission. Normalement, elle fait sa chronique dans le Dîner de cons depuis quand même plusieurs mois, l'émission du midi en temps normal. Et puis cet été, il n'y a pas d'émission du midi, donc on l'emprunte. Mais moi, je suis curieuse. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Ça va être des sorties spectacles, des choses culturelles à faire, peut-être des affaires musicales, on ne sait pas encore. Elle nous en parle tantôt. À Myriam Fugère. En fin d'émission, on va avoir la présence de Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Elle, tu la connais, c'est pas la première fois qu'elle vient. Elle nous parle n'importe quoi, finalement. Ce qu'elle aime. C'est parfait, ça. Toi, est-ce que tu vas nous présenter quelques trucs aujourd'hui? Oui, une très courte chronique littéraire et une suggestion sortie. Oh, d'accord. Une sortie d'été, là. Ah oui? Oui. Ah, vraiment? Vraiment. Moi, je vais avoir une chronique, c'est un fait, comme toujours, avec des affaires à apprendre, des affaires plates. C'est de l'éducatif. Notre mandat d'information mais ici. Ça va chercher en nous, tu sais, le petit côté qu'on veut savoir des choses inutiles. Là. C'est ça. Ça le comble bien, je trouve. T'as pas besoin de le savoir, mais t'es content de le savoir. Oui. Peut-être que tu vas le retenir et le dire à quelqu'un d'autre. Peut-être bien. Tout ça et plein d'autres choses, évidemment. On a aussi le palmarès. Comme à chaque semaine, on a du francophone ou de l'anglophone en rotation. Et cette semaine, c'est de l'anglophone. Donc, on constate le top 20 au complet. On va avoir quatre nouvelles entrées, dont Atomic Baobab, Ringo Death Star et Black Lips. Mais on commence en 20e. En 20e avec Black Mountain et Let Spirits Ride. Dans les villes croisières d'assemblage. Okay. Let's go. 19, nouvelle entrée. On vient tout juste d'entendre les Black Lips avec Modern Art. Avant ça, c'était Black Mountain avec Let Spirits Ride. C'est deux nouvelles entrées, ça du côté anglophone, bien évidemment. Et celle-là vient de l'album Wilderness Heart. On va aller tout de suite avec les deux autres nouveautés de cette semaine. Tout à l'heure, Atomic Baobab avec Foxtrot Uniform. Mais tout de suite, on va entendre Ringo Dead Star avec Imagine Arts. Imagine-moi ça. J'imagine. Je peux taper mon cœur, mais je vais me retenir. T'sais. Ouais, retiens-toi, Mathieu. Le plus possible, ouais. Partie 7. Nouvelle entrée. Foxtrot Uniform d'Atomic Baobab en position numéro 17 du côté anglophone. Et juste avant, c'était Ringo Dead Star avec Imagine Arts. On continuera tantôt avec Gorillaz, entre autres, et Okkervil River, mais avant ça... Mais avant ça... C'est un fait! Nouvelle danse de C'est un fait, ça, quand même. Il va falloir faire des gifs animés avec ça, mais ça, sur le site web. Ça serait beau. Commençons la chronique C'est un fait, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables. Je t'enseigne des choses que tu trouves sûrement très éducatives. Vas-y, Mathieu. Savais-tu que dans une vie moyenne, OK, une vie, on vit tous différemment, un différent nombre d'années, mais dans une vie moyenne, le cœur pompe 200 comment t'appelles ça? Battements? Dès le premier, ça va très, très bien. 200 000, c'est ça? 200 m, litres de sang. 200 m. M, c'est quoi? C'est quelle mesure, ça, M? Millilitres? Non? Non, c'est mm. Je sais pas. En tout cas, disons juste que c'est assez pour remplir le Central Park de New York de 15 mètres de profond. Donc, c'est beaucoup. 200 000 litres de sang, je pense que c'est 200 000. On peut s'imaginer que c'est beaucoup. Là. C'est beaucoup. Tout simplement. 15 mètres de Central Park à New York. Bon. Restons dans le même domaine. Les gènes humains. On a 24 000 gènes à l'intérieur de nous, les humains, qui ont été identifiés jusqu'à maintenant. Donc, les gens ont autant de composantes que certaines sortes d'autobus britanniques. Oh. C'est ceux qui plient au milieu. Là, les... crois qu'il ressemble à un train. À deux étages. Non, pas ceux-là. Non, pas ceux-là. Pas ceux-là. Pas ceux-là. Excusez. Un humain a autant de gènes, toujours dans le même domaine, qu'un chou. Un chou, là. Le légume. C'est le fun d'être comparé à un chou, ben, Antoine. 55% de l'ADN humaine est pareil comme celle d'une banane. Okay. 55% de notre ADN. Dans le même domaine, encore une fois, en Ouganda, le nom Matouk ou Matouki veut dire nourriture et banane. Un seul mot, deux définitions, soit nourriture, soit banane. On dit même que 40% des déchets du Kampala sont des pelures de banane. 42%? 42, 40%. 40%? Ambitionne pas, quand même. Ah oui, on mange vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. toujours dans le domaine des mots qui veulent dire la même chose. Au Japon, le mot gohan veut dire nourriture, repas et riz. Même mot. Trois définitions. Il est toujours question du contexte autour de ça. Là. Exactement. La pomme nationale du Canada. Je ne savais pas que le Canada avait une pomme nationale, mais c'est la pomme Macintosh. Eh bien. Et parlant de Macintosh, le Mac, les ordinateurs d'Apple, les Mac, ont été nommés d'après justement la pomme Macintosh. Par contre, l'épellation a été changée pour Macintosh, MRC au lieu de MC, pour des raisons de droits d'auteur, de copyright. Ah. Eh bien. Le peuple Dogon du Mali frotte des oignons frits sur leur corps. Et c'est un parfum pour eux. Ce parfum. En autant que tu ne dises pas qu'ils les frottent autour des yeux, ou je ne sais pas trop quoi, je me suis imaginé la chose. Là. J'avoue. Et j'avais le goût de pleurer tout d'un coup. C'est peut-être justement pour sortir les sentiments des gens qui se portent contre des oignons. Dans le domaine des choses qui sentent peut-être mauvais, 95% des hommes italiens n'ont jamais opéré une machine à laver de leur vie. On sait que les vêtements sont sûrement lavés par leurs femmes, on peut s'imaginer. En tout cas, moi, c'est ce que je présume avec ce fait-là. Et ça, ça a été même cité dans le New Yorker et dans The Week. Donc, apparemment, que c'est véridique. 95% des Italiens n'ont jamais, et les hommes seulement, jamais utilisé de machine à laver. Le léotard, c'était toujours demandé d'où vient le mot léotard. Ça, c'est pas un genre de combinaison super serrée, là? Exactement. Je sais pas si fait en quoi, mais c'est très, très, oui, en effet, très serré. Donc, le léotard prend son nom de Jules Léotard, qui était un artiste de trapèze français au 19e siècle. C'est de là que ça vient le mot léotard. Le 14 juin 1954, le président Eisenhower, donc là, on parle, c'est récent, là, on est le 16 aujourd'hui, 14 juin 1954, le président Eisenhower a signé la loi qui a ajouté les mots « under God » dans le Pledge of Allegiance. Tu sais, là, aux États-Unis, « I pledge allegiance to the blah, blah, blah, blah, blah, blah, under God ». Donc, ils ont ajouté ça, mais c'était pas là à l'origine. Et là, maintenant, les gens essaient de ne pas faire enlever cette affaire-là, alors qu'il y en a qui disent qu'on devrait l'enlever du Pledge of Allegiance pour inclure tout le monde, quoi. Bon. En Corée du Nord, une étude sur le bonheur a mis la Corée du Nord en deuxième place comme pays le plus heureux au monde, derrière la Chine en première place, et les États-Unis ont terminé en dernier. Ouh! En dernier? Combien de pays? Ah, je sais pas. Aucune idée. Mais par contre, je me demande, justement, l'étude a été faite en Corée du Nord, peut-être un petit peu biaisée, peut-être arrangée. Je sais pas. Corée du Nord, ça me paraît pas très, très heureux. Bon, qu'est-ce que j'en sais? Pas à travers mon chapeau. Le test, tu te rappelles quand tu vas chez l'optométriste, le test avec les lettres. Oui. Avec un gros E en haut, ou la grosse lettre en haut. On appelle ça la Snellen Chart. Snellen, S-N-E-L-L-E-N. C'était nommé ça après l'ophtalmologiste. Dutch, c'est hollandais, je crois. Dutch, D-U-D-C-H. Je crois que c'est hollandais. En tout cas. Laisse-moi douter. Un ophtalmologiste qui a développé ça dans les années 1860. Snellen. D'accord. Et en anglais ici, nocturia, c'est le terme médical quand t'as besoin de te réveiller la nuit pour aller faire pipi. Nocturia, c'est super. Est-ce que tu cherches Dutch? Oui, c'est... Mon Dieu, attends. Ouais, c'est ça, population des Netherlands. Netherlands, c'est la... Les Pays-Bas. Pays-Bas. Bon, super. Super, ça. Voilà pour la première partie de C'est un fait. Il y en aura une autre tantôt. Et dans la deuxième partie, on va parler entre autres de Dunkin' Donuts, de Sandwich et de Dracula. Pourquoi pas? Bien. Dans la deuxième partie de C'est un fait tout à l'heure. Mais pour l'instant, on retourne dans notre palmarès, dans le top 20 anglophone. Tout à l'heure, on écoutera Huckerville River avec Wake and Be Fine. Mais juste avant, c'est Gorillaz avec Foner to Arizona. Ouh! Dans la vie de croisière d'assemblage requis. Justement, on parlait de pipi. Non, peut-être pas le meilleur moment pour y aller en ce moment. Parce que la chanson est trop bonne. Et le contenu de l'émission si intéressant. Attendez à 5 heures. Pipi, 5 heures. 7, 6, 5. Vous êtes assez fou. Vous l'écoutez. 89.1. Marie-Pierre, Mathieu, Croisière, Assemblage, Rocky, c'est fou. Numéro 15. Coverville River avec Wake and Be Fine en position numéro 15. Ça monte de 5 places. C'était nouveau la semaine passée. Ah oui. Marie-Pierre. Oui. Laforge Bourret. Oui. Mathieu Plante. Oui. Ça, c'est moi. De quoi est-ce qu'on parle maintenant? Tu nous as préparé un petit quelque chose. Je vais vous expliquer ce qui m'a amené à vous parler de la prochaine sortie. Parce que, bon, j'ai une sortie à vous proposer qui est dans le coin d'Ottawa. Cette semaine, j'ai une de mes amies qui est en échange en Colombie-Britannique pour apprendre l'anglais. Qui a fait un saut de bungee. Ooh. Et j'ai vu la vidéo de son saut et c'est à en donner des frissons. OK? Tu la vois sauter et il y a un décompte. OK? 5, 4, 3, 2, 1. Cours, saute dans le vide. Mais ce qui m'a inspiré à vous en parler, c'est la réaction des gens qui étaient avec elle, qui crient sinon plus fort qu'elle. OK? Et ça a l'air complètement, complètement malade. Donc, la sortie que je vous propose, si vous aimez les sensations fortes ou tout simplement regarder les gens avoir des sensations fortes, c'est pour vous. C'est l'endroit, c'est le Great Canadian Bungee à Wakefield, juste à côté d'Ottawa. Okay. C'est le plus haut saut de bungee en Amérique du Nord, à 200 pieds dans les airs. Donc, on s'entend que c'est très haut. C'est donc à 20 minutes d'Ottawa. Bon, il y a possibilité d'aller dans un camping si on veut dormir là plus qu'une nuit, parce qu'on s'entend que c'est assez loin de la région de la Mauricie. Et il y a également moyen d'aller faire un séjour à Ottawa, aller se promener un petit peu, profiter de la ville. Pour vous décrire le saut en bungee, je vais vous lire ce qui est écrit sur le site, parce que je crois que ça décrit très bien la chose. Imaginez une carrière de calcaire, haute de 200 mètres, en forme d'amphithéâtre, surplombant un plan d'eau de couleur turquoise d'une profondeur de 160 pieds, un véritable lagon alimenté par une eau de source et trois fois plus grand qu'un terrain de football. Donc, j'imagine, juste à l'imaginer, c'est excessivement haut. Il y a également possibilité, pendant le saut, d'avoir le corps et la tête qui tremblent dans l'eau. Donc, je te vois la face, t'as l'air de pas trop savoir, mais bon, t'es accroché et c'est très sécuritaire. Okay? D'ailleurs, sur le site internet, ils prônent la sécurité. Les personnes sont formées, c'est la chose la plus importante. Donc, le corps et la tête qui peuvent tremper dans l'eau. Également, il y a une autre possibilité, c'est une tyrolienne. Et ça, c'est possible de le faire toute ça, la famille bien. Ensemble. Oui, une tyrolienne, mais attention, de 10 1500 pieds de long. OK? Ça va jusqu'à 85 km/h et bon, ça semble dire que ça passe au-dessus d'une chute, etc. Et ça, c'est pour toute la famille, alors que le bungee, si la personne est en bas de 18 ans, il faut avoir un consentement des parents. Donc, les tarifs, bon, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher qu'une sortie normale, mais pour une activité comme ça, une expérience comme ça, je crois que ça peut valoir la peine. Pour le premier saut, c'est 100 $. Si on en fait un deuxième pendant la journée, c'est 52 $ de plus. Par contre, si vous décidez d'y aller en gang, tu sais, bon, on y va en gang, on a le goût de vivre un trip, c'est 74 $ par personne, si c'est 10 personnes ou plus. Donc, c'est 25 $ de moins par personne. Fait que ça peut être bien de former un groupe. Mm-hmm. Un peu comme mon amie, une autre de mes amies qui a choisi de proposer cette activité-là. C'est elle qui a proposé et elle a dit on y va en gang. Tu vas y aller? Ah oui, j'y vais. Ah, wow. Ah oui, j'y vais. Et pour la Rip Ride, dans le fond, la tyrolienne, c'est 30 $ à peu près par personne. Et bon, il y a des forfaits t-shirt, vidéo, forfait Rip Ride et bungee. Donc, c'est tout ça à voir sur le site www.bungee.ca. B-U-N-G-E-E.ca. C'est le Great Canadian Bungee à Wakefield, proche d'Ottawa. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas trop friand, par exemple, toi, avec la face que tu fais, je peux me douter que, que tu n'es peut-être pas du genre à sauter en bungee, mais il y a moyen d'accompagner les personnes qui y vont. Y a des arts... pousser? Non, tu peux pas les pousser, mais tu peux les regarder, la personne qui les pousse. Ah. Mais il y a des aires de pique-nique, il y a même une plage, des aires à barbecue. Donc, ça peut être une activité, même si vous n'en faites pas, vous accompagnez les personnes. Et je trouve que ça peut être une journée complètement magique. Mm-hmm. Donc, et réservé, très important. À réserver avant d'y aller. The Great Canadian Bungee Club. Great Canadian Bungee. Oui. Super. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Moi, c'est les hauteurs, j'aime pas ça. Plus c'est haut, plus c'est pire. Le maximum là, qui me fait le plus peur, là, c'est 400 000. C'est, hey. C'est le nom d'une pièce des breastfeeders, 400 000, non? Ça te dit rien? Oh, non. On va aller l'écouter, voir. Allons-y. À vie de croisière d'assemblage requis, merci. Yeah. sable jusqu'au bout du rail. Et le cœur de neige et les âmes de corail. Des Breastfeeders dans la vie de croisière d'Assemblage Requis. C'est sur leur album nommé Dans la gueule des jours. On parlait tantôt de quelque chose qui se passait près d'Ottawa, en Outaouais, c'est ça? En Outaouais? Oui, le saut de bonne vie. Ben ouais, mais ça m'a rappelé quelque chose d'autre qui a lieu en Outaouais très très bientôt. En fait, là aujourd'hui, on est le 16, nous en direct le jeudi. Et bien demain et après-demain, vendredi 17 et samedi 18, c'est le Detox Rock Fest de Petite Nation, 6e édition. Il y a combien? 100 groupes? 3 scènes, camping et plus. Il y a entre autres NoFX, Lamb of God, Descendants, Under Oath, Pennywise, Hatebreed, Whitechapel, et je pourrais continuer pendant tellement longtemps. Donc ça commence à midi. Xavier Caffeine aussi. Oh, il y a Xavier Caffeine. Colin, si j'étais plus proche de la pancarte, je pourrais voir les petits noms. Grimmscock est là. Serge. Oui. Il y en a-tu d'autres qu'on connaît là-dedans? Crash Ton Rush, je connais ça. The St. Catherine's. Billy the Massacre. Pépé sa guitare. Sa guitare. Les Écorchés. Donc, il y a beaucoup de groupes. Beaucoup de très bons groupes. Donc, 17 et 18 juin, dès midi, c'était la Marina de Montebello, en Outaouais, au 111 rue Laurier. Le passeport week-end coûte 45$, incluant tous les spectacles, qu'est-ce que ça dit, extérieurs. Et puis, voilà, vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet. Detox Rock Fest. Pour une journée, c'est 35$. 35$? Oui. Pas cher. Detox Rock Fest. C'est super. Ça a lieu demain et après-demain, vendredi et samedi. Voilà. On va retourner à notre palmarès anglophone. On va entendre tout à l'heure Young Galaxy en 13e avec We Have Everything. Mais juste avant, ça va être Austria avec Beat and the Pulse. Beat and the Pulse. À la vie de croisière d'Assemblage Requis. Du beat, on a ça là, à tonne, à revendre, à donner. Enfin. Parce qu'on est généreux, on ne ferait jamais payer pour ça. 13. Young Galaxy avec la pièce We Have Everything, position numéro 13, ça monte d'une place à la vie de croisière d'assemblage requis. Et ça, c'est dans le top 20 anglophone, bien sûr. C'est la mission de la journée, ça. Le palmarès anglophone. Oui. Marie-Pierre, tu m'as dévoilé quelque chose de perturbant. Là. Oui, c'est perturbant. Je viens de voir que Blondie, le groupe qu'on connaît bien, a repris une chanson de Beyrouth. Un groupe qu'on aime dans ce cas-ci. Beyrouth, pas Blondie. Mais Beyrouth... C'est un groupe qui fait très musique du monde, mené par Zach Gordon, qui va sortir un CD très bientôt. Et bon, Blondie prend une chanson de Beyrouth et la reprend. Blondie, son plus grand succès, c'était quoi? Call Me. C'est Call Me, c'est Blondie, ça? Ouf, Call Me. Je saurais pas dire, j'étais jeune quand ça jouait. Ouais, ça. Mais par contre, ce qu'on constate en écoutant la chanson que Blondie a reprise, la chanson c'est A Sunday Smile, c'est que c'est très reggae. Alors que la chanson Sunday Smile, ça fait vraiment référence française. Si je me trompe pas, il y a un extrait d'un film français à l'intérieur, donc c'est un peu un choc que je viens d'avoir. Donc cette chanson-là, Sunday Smile, reprise par Blondie, va paraître sur leur album qui va sortir bientôt, c'est Panic of Girls. Donc, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sort, mais la chanson va être dessus avec une collaboration de Zach Gordon, puis etc. Donc, on va aller l'entendre, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, on va entendre ça tout de suite, Blondie, avec ce cover de Beyrouth. Et puis après ça, petit cadeau, on vous fait entendre l'original tellement elles sont différentes, on peut se permettre ça. And you know my wishes are sincere. Alors, on vient tout juste d'entendre la chanson A Sunday Smile, une chanson de Beyrouth qui a été reprise par Blondie. Et maintenant, on va aller tout de suite entendre la chanson A Sunday Smile, mais cette fois-ci par Beyrouth. Très différent. Oui, c'est différent. J'aime mieux la version de Beyrouth. Sunday Smile de Beirut à la vie de croisière d'assemblage requis. Très différente de la version par Blondie qu'on a entendue juste avant. Oui. Grosse différence, même que je me demande pourquoi elle a choisi cette pièce-là à refaire si elle était pour la faire si différente que ça. Mais bon, des reprises, c'est ça, c'est soit. Mais pourquoi la faire identique? Exactement. Aussi? Pourquoi faire un remix ou un remake identique à une pièce? Il faut que tu la fasses différemment. Mais ça, c'est poussé à l'extrême, cette pensée-là, je trouve. J'ai eu même de la difficulté à la reconnaître au début. Mais voyons. Ah, puis là, quand j'ai entendu le refrain, je fais « Ah, OK. » C'est ça. Si on ne t'avait pas dit, peut-être que tu l'aurais jamais remarqué. Ah non, je l'aurais remarqué. Ouais. Oh oui. C'est la fin de la première heure de la vie de croisière d'assemblage requis. On revient tantôt avec une deuxième heure. Là-dedans, il va y avoir Simon Fitzbé avec sa chronique « Le scout des internets ». On va faire le tour des nouvelles geeks et techno de la semaine. Ça va être bon. On va aussi continuer le palmarès anglophone avec, entre autres, Shotgun Jimmy, The Megaphonic Thrift, Chromeo et Buddy McNeil and The Magic Mirrors. C'est à venir dans la deuxième heure. Hein? Ah. Autre chose? Sûrement d'autres choses aussi. J'ai si hâte à la pause, Mathieu. Ah oui? T'as hâte à la pause? Ben là, on n'ira pas en pause d'abord. Ah. Pas de pause. Oublie ça. Non. On va juste écouter la musique à place. OK. « Honnêtement, je pensais pas qu'elle restait aussi long avant qu'elle s'en aille, la musique. C'est bon. T'as trouvé ça long, la musique? Mais je m'attendais pas à ce que ça soit si long. Mais c'était bon, par exemple. C'était très bon. On va aller en pause quand même. Ah. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. I like what your t-shirt says. Bonjour, c'est la deuxième heure de la vie de croisière d'Assemblage Requis. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marc-Pierre Lafosse-Bourret. Est-ce que je t'ai fait peur? Oui. Comment ça? Avec ta grosse voix. Ah, ben, Colin. Je pensais que c'était mon nom qui te faisait peur ou juste ma personne en général. Vous êtes donc à la vie de croisière d'Assemblage Requis où on écoute le top 20 anglophone pour la période du 6 au 19 juin 2011. Tout à l'heure, on va entendre en position numéro 11 de Megaphonic Thrift avec Talks Like a Weed King. Mais tout de suite, on va entendre Shotgun Jimmy avec Late Last Year. Ça a l'air bon, ça. Je suis sûr que c'est bon. C'est dans le palmarès. Évidemment. Pas le choix. Oh my darling, the legs under this table are independently bumping into mine. They're on a mission dispatched to disable. My defenses and they're working just fine. Coming in clear, and I saw you at the bar. We had a few beers, and I walked you home, and the sky was clear, and it was filled with stars like we were filled with beers, and I got distracted in a winter wonderland, and I felt nostalgic and wanted to hold your hand, but I didn't know you well enough to ask. Plus I was afraid cause I thought that you were pretty badass. And not in old hands, it was late last year. Signal coming in clear and I saw you at the bar. We had a few beers and I walked you home and the sky was clear. And it was filled with stars like we were filled with beers. And I got distracted in a winter wonderland and I felt nostalgic and wanted to hold your hand, but I didn't know you well enough to ask. Plus I was afraid cause I thought that you were pretty badass. And not in the holding hands. Numéro 11. is accused of impersonating a police officer and in that is still a Non, ce n'est pas un extrait du palmarès anglophone de C'est fou, mais entendre Sextape avec The View Remix. Et faut en parler un petit peu parce que, autre que la pièce qui est très, très bizarre... Oui. C'est le vidéoclip qui est le plus important là-dedans. Dans le fond, ce que Sextape fait, c'est qu'il prend des extraits, bon, dans ce cas-ci, de talk show américains. Il y avait The View, il y avait Oprah. Oprah, il y avait... Dr. Phil. Dr. Phil. Donc, tout ça, il prend des extraits absolument hors de tout propos, là, hors contexte. Et puis, il les remixe, les fait saccader, ajoute des objets dedans. Donc, des fois, il y a des poissons qui apparaissent ou genre, si dans, ça fit dans sa main, il va avoir un sandwich ou un pot de cornichon. Une cigarette où elle encore était dans un costume de cosmonaute. Oui, mais vraiment, les effets spéciaux sont très, très bien faits là-dedans. Il y a même un extrait où la madame se met à pleurer. Oui. Puis là, elle devient Satan. Mais c'est super bien fait. Elle pleure, puis elle se mouche, puis ils font avancer le mouvement de... Ils font bouger, avance, recule. C'est comique. C'est très, très comique. Et il y a plein d'autres extraits de sextape, si vous voulez aller voir sur YouTube. En tout cas, moi, je sais pas. Je viens de découvrir ça, je suis peut-être super en retard. Probablement. Ah, je connais pas ça non plus. Mais celui-là était très récent. Il a été fait à mi-juin. Donc, c'est récent. Mais c'est comique. J'adore. Sextape avec The View Remix dans ce cas-ci. Le lien est sur assemblagerequis.com, bien évidemment. Avant ça, on a entendu une autre position du palmarès anglophone. C'est The Megaphonic Thrift avec Talks Like a Weed King. Ça monte d'une place et c'est sa troisième semaine. Donc, ça a réussi à presque franchir le cap du milieu du palmarès. Hein? Ça monte. Hein? Tranquillement, pas vite. Hein? Les choses plus vite que ça dans la vie. Là. Mais bon. On va continuer un petit peu avec un autre bloc de palmarès. Tantôt, on va recevoir Simon Fitzbay avec son scoop des internets. On a très, très, très hâte de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde techno en ce moment. Je le sais pas, donc il va m'en apprendre beaucoup. Ouais, surtout à toi. Surtout à moi. À moi aussi, en fait, en ce moment. Donc, prochain bloc, c'est tout à l'heure Buddy McNeil and the Magic Mirrors avec Octopus Hop. Mais juste avant, c'est Chromeo avec Don't Turn the Lights On. Oh, ouais. Et plus tard aussi, tu vas nous parler d'un livre. Non, je vous ai réservé une surprise cette semaine. Ah, t'as changé d'idée de monde. Oui. Ah ben, ah ben. Oui, oui, oui. Tu parles d'une affaire, toi, changer de plan comme ça. je cherchais ma pièce. Don't turn the lights on, Chromio, là. Ah, c'est la bonne? Ah ouais, c'est la bonne. Ça sonne pareil comme la bonne. There must be another way. When she's gone to a better place. And loneliness will hurt you if you can't get through the night. Then the moment starts to fade. And dawn is just an hour away. I feel she's watching over and it gets me through the night. It makes me wonder what you say. Taking me back to the month of May when I watched you do it all night. I'm thinking back to what we shared. In many ways, I'm already there and I watched you do it. Don't turn the lights on. Cause tonight I wanna see you in the dark. Don't turn the lights on. Without you there. And only those who hurt you will say patience is a virtue when it's been so long. And I can't think about it. No, I can't figure it out. Cause just how real you feel in every time that you appear and leave no room for doubt. Makes me wonder what you say. It's taking me back to the month of May when I watched you do it all night. I'm thinking back to what we shared. In many ways, I'm already there and I watched you do it. Don't turn the lights on. Cause tonight I wanna see you in the dark. Octopus Hop par Buddy McNeil and the Magic Mirrors en position numéro 9. Ça monte d'une place. On vient donc de franchir une première moitié complète de notre palmarès anglophone. Exactement. C'est bien ça. Marie-Pierre, je vais te parler d'un petit vidéoclip là. Ce vidéoclip, ça existe encore, ces affaires-là. Et puis la formation She and Him avec entre autres là-dedans Zooey Deschanel, qu'on adore. Il vient de sortir un vidéoclip qui s'appelle Don't Look Back. Donc on va écouter la pièce comme ça, en vidéo, en même temps, tous ensemble sur l'écran de notre radio. Et je vais poster évidemment le lien sur assemblagerequis.com. Ah, ceux qui n'ont pas d'écran sur leur radio, faites juste écouter la pièce, ça va être bon pareil. She and Him, Don't Look Back. Melted the heart of Persephone, but I never had yours. Followed you back to the end of the path, but I never found the door. And you can work to save your love, you can bear it from the earth below. You can work, but you can't let go. Oh, oh, but you have to. And Him avec Don't Look Back. On devrait jouer plus souvent du She and Him ici dans la vie de croisière d'Assemblage Rocky. C'est le groupe de Zooey Deschanel. Tu sais que, en tout cas, je sais pas si tu le sais, mais si tu sais pas, lève là. Je suis en amour avec Zooey Deschanel. Pardon? Je suis en amour avec Zooey Deschanel. Oh, mon Dieu, de les confidences aujourd'hui. Ben, tellement. Donc, il faut aller voir un vidéoclip qui est sur Vimeo en ce moment. Chercher She and Him avec Don't Look Back. Vidéo qui nous montre le futur de la musique. Entre autres, une guitare gonflable et un robot qui joue du piano. En tout cas, c'est juste vraiment cool. Et puis, ça devient un super vidéoclip dansant avec plein de figurants à la fin. C'est très, très joli. She and Him, Don't Look Back. J'aime ça. Parlons de Zooey Deschanel tantôt, si je m'en souviens, au pire tu me le rappelleras, j'ai quelque chose par rapport à elle à partager avec Stéphanie tantôt et toi dans sa chronique okay. Ton plat favori. Tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va continuer notre palmarès anglophone top 20. Tout à l'heure, on va entendre Miracle Fortress avec Everything Works. Mais tout juste avant, on va entendre Tokyo Police Club avec Wait Up. Ah, j'ai déjà hâte de l'entendre. Une chance que c'est là qu'on va l'entendre. J'ai pas besoin d'attendre trop longtemps. Ça me rend heureux. Vous êtes à la vie de croisière d'assemblage requis. Des fois, tu peux me dire ta gueule. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Merci. numéro 7. Miracle Fortress, un petit miracle de chanson, toi. Avec Everything Works, position numéro 7, ça monte de la 16e place. C'était nouveau la semaine passée et c'est sur l'album Was I the Wave. Nous, on aime ça les vagues sur le bateau, le SS Rocky. Oui, oui, oui. Cette chanson nous parle. Elle dit des choses plus intéressantes que moi la plupart du temps, d'ailleurs. Donc, tu vas nous faire entendre une petite pièce de Beach House parlant d'eau et de plage. Oui, une chanson de Beach House. Et attention, pour ceux qui n'ont jamais entendu Beach House, c'est pas un chanteur, c'est une chanteuse. Ah, OK. Oui. C'est à noter. Non, non, elle a une voix très masculine des fois. Ah, donc, okay. Je vous le précise. I know, I know. Helplessness Blues de Fleet Foxes dans la vie de croisière d'assemblage requis. On aime ça parce que c'est relax. C'est très relax. C'est comme ça que j'aime ça des fois. Moi, sur un bateau, des fois, tu sais, t'as envie de te calmer un petit peu les nerfs, prendre un petit peu de soleil, alors que les goélands chantent comme ça. Ah. Moi, ça sortir la serviette de plage, pogner un coup de soleil. Ah oui, c'est ça, un coup de soleil. Faites attention à ça, parce qu'un coup de soleil peut vous amener un cancer de la peau. J'ai regardé une vidéo sur Internet hier qui faisait peur. Je te posterai ça sur assemblagerequis.com. C'est à voir. C'est pour ça l'importance de la crème solaire. Hein? Exactement, exactement. Sinon, c'est ça, il nous reste encore une quinzaine de minutes à cette deuxième heure. Tout à l'heure, on va avoir Simon Fitzbay qui va être présent pour sa chronique Le Scout des Internets. Il va nous parler de tout ce qu'il y a de nouveau en termes de technologie, ou en tout cas les choses importantes et marquantes de la semaine. Qu'est-ce que ça va être? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on me souffle un mot, au moins un mot à l'oreille, juste un mot? iCloud, évidemment. iCloud. iCloud! Ah, j'ai hâte. J'ai hâte au nouveau Lion, j'ai hâte de parler de ça avec Simon tantôt aussi. Mais pour l'instant, on va retourner avec notre palmarès un tout petit peu, un temps soit peu. On va entendre la position numéro 6 anglophone à l'instant. C'est Chad Van Galen avec Sarah. J'étais pas sûr si tu savais comment. Mais en fait, personne ne sait vraiment comment le prononcer correctement, donc c'est correct. Bon, on se lance, hein? C'est ça. Donc, Chad Van Galen avec Sarah, tout de suite, dans la vie de croisière d'assemblage requis sur C'est fou. Ah, regarde le goéland qui me fait saluer comme ça, avec son aile. Ah, il est fin. God's in love, not for

à Noël. Donc, ça s'adresse à toi aussi. Non, avant, je ne m'adresse pas à toi, Simon. Tasse-toi, Simon. Va-t'en, là. Regarde. Ce samedi, le 18 juin, au Temple, il y a le party de la diplomation qui est organisé par le bureau des diplômés. C'est de 19h à 22h, donc c'est un party pour les diplômés. J'imagine qu'il va y avoir de la musique. Il y a des prix de présence, dont un crédit voyage de 2 800 $. C'est pas rien. Offert par Club Voyage. Donc, je vous le rappelle, vous avez sûrement reçu une feuille par la poste, comme j'ai reçu une feuille par la poste. Ah oui? Ben, je suis finissante, donc j'ai reçu la feuille par la poste. Mais, donc, je vous invite à y aller. C'est ce samedi, le 18 juin, au Temple. Le Temple, l'endroit, exactement, lieu culte pour gens qui se créent. Hein? Le Temple. Non, c'est quoi le slogan, tu vois? Ça va être un beau party, Mathieu. Oui, ça va être super beau. Non, bon. Mais c'est l'endroit est correct. Hein? C'est des fois, il y a des gens qui... En tout cas, on va finir cette deuxième heure avec la musique de Malajube. On va aller écouter la pièce Radiologie sur leur album La Caverne. Et puis après ça, en début de troisième heure, là, c'est vrai. Si, moi, je vais te lancer. Ça allait sortir, le petit carton de la boîte. J'ai failli me faire lancer un CD. Hein? Chouing, chouing. Je faisais des lançages. Attention, mais ça marche pas. Donc, Malajube. Puis après ça, Simon. C'est clair? Nous, on se lance des CD par la tête pendant ce temps-là. C'est un petit peu violent, des fois. Là. Ça dépend. Jube et Radiologie sur l'album La Caverne. Quel excellent album, écoutable d'un bout à l'autre en boucle, encore et encore. C'est un peu ce que je fais, d'habitude. C'est la fin de la deuxième heure de la vie de croisière d'Assemblage requis. Il nous en reste deux autres. On est à la mi-chemin de l'émission et il nous reste seulement les positions 4 à 1 du palmarès anglophone. Donc, vous allez vous attendre à des chroniques, du contenu et d'autres styles musicaux qui ne sont pas dans le palmarès anglophone. Exactement. Et toi, tu vas être là? Bien sûr. Tu vas nous parler de... D'un objet particulier en littérature. OK. Ouais, je révèle pas le punch tout de suite. Tu vas partager un petit peu de ta vie, je pense. Oui. Ouais. Ouais. Ce qui t'occupe dans la vie en ce moment. Ce qui m'occupe beaucoup présentement. Alors, reste avec nous à Assemblage requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa. Makes me wanna smoke crack. MTV, ouais. Attends, on va le réécouter. Faut qu'on réécoute ça juste un tout petit peu. Ah, ben oui, c'est ça, c'était juste avant ça. Attends un peu, on recule. Attends, ça sent bien. C'était bizarre, hein? Ouais, c'était un petit peu bizarre. Ah non, ça va trop mal. Et Colin qui va. Notre CD pour avancer, là, il va vraiment mal. Écoute ça. Ça va tellement lentement. C'est lent, là, là. Son dernier, le dernier. Venez résoudre. Oh! Mamma mia! Non, pas ça. C'est beau, hein? Ah, 2 pour 1. On va les prendre. 97 Boulevard des Forges, 694-2694. Au plaisir de vous servir. Ça valait la peine, hein? Bon, OK, on écoute. Hey! Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa! Makes me wanna smoke crack. C'est bien ça. MTV makes me wanna. Super. Hey, tout ça pour ça. Hein? Hey, ça a pris une minute pour écouter un extrait de 5 secondes. Bravo. Ça, c'est les délires de Mathieu. On a appris que les délires de Mathieu ne font pas toujours de la bonne radio. C'était juste bizarre. Quelqu'un qui sait pas ce qui se passe, là, la musique qui repart, qui recule, qui avance. Mamma mia, mi. Bon, donc, troisième heure de la vie de croisière d'Assemblage requis, elle, c'est Marie-Pierre Laforge-Bourin. Et c'est Mathieu Plante. Ouais, c'est ça. Et Simon Fitzbay. Hey, Simon Fitzbay qui est là pour nous sauver un peu. Hello. Ça va? Ça va bien, vous autres? How you doing? Je vais peut-être avoir un petit délai, mais j'ai pas d'écouteurs, donc je suis pas dans votre trip. Mais tu nous entends quand même, j'espère? Oui. Simon? Hein? Entends-tu, Simon? Ça va pas long, j'arrive! Donc, Simon qui est avec nous pour sa chronique, le scoot des internets, est-ce qu'on part la machine à l'instant? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi? Voici le scoot des internets. Scoot des internets. Scoot des internets. Ouais, merci de me faire le beat parce que moi, je l'entends pas, tu sais. Ah, c'est ça, je te mets dans le beat. Donc, Simon, de quoi on parle cette semaine? Plein de nouvelles geeks qui se passent? Oui, des nouvelles et même des trucs geeks, mais rattachés à l'actualité. D'ailleurs, ben, je vous envoie sur le premier site, c'est le Huffington Post qui a mis un slideshow en bon français. Donc, une galerie de photos. Une galerie de photos, exactement, c'est-à-dire des émeutes qui ont eu lieu à Vancouver hier à cause du match de hockey. Il y a des très belles photos. Il y en a une particulière et je vais retourner mon ordinateur pour vous la montrer. Hein? Il s'agit d'un couple qui s'embrasse couché sur le bitume alors que tous les autres gens se font massacrer par la police ou en tout cas c'est... Puis, au premier plan, là, il y a un policier. C'est vraiment une très belle photo et pour les petits pervers aussi de ce monde, on peut voir les dessous de la jeune femme. Ah oui, bon, c'est quoi l'adresse déjà? Vous pouvez aller donc au huffingtonpost.com, c'est dans la section sport et photos. Il y a également des vidéos de Vancouver. Mais ça fait tellement Montréal quand quand le Canadien perd ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il prend aux gens quand ça arrive, là, mais c'est je la ne deuxième comprends fois. Pas. C'est la deuxième fois en plus. Parce qu'en 94, il y avait aussi une émeute pour la même raison. Il avait perdu en finale et donc les gens se sont fâchés. C'est comme l'effet de groupe. Hein? Oui, exactement. On est pas capable de se contenir. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez des amis à Vancouver, vous pouvez toujours aller visiter. Il y a des groupes Facebook sur les émeutiers qui ont été mis puisqu'ils sont traqués sur le web par les propriétaires des magasins et autres. Donc on a mis les photos des gens et si vous les reconnaissez, bien, vous pouvez soit taguer la photo et on va rechercher la personne contacter les autorités. J'aime ça parce que c'est ça qui fait que les émeutes ont lieu, c'est que les gens pensent qu'il n'y a pas de répercussions. Donc c'est ils disent, c'est un crime, tout le monde le fait, je vais faire moi aussi. C'est ça. Gang de pas de place. T'sais. Mais voilà. Ça n'a pas de place. C'est tant pis pour eux. On n'est plus justement en 93 quand il y avait eu les émeutes de Montréal. Là, les gens ne sont pas faits poursuivre, il n'y a pas de moyens, mais maintenant avec la technologie, c'est incroyable. Si vous faites des émeutes, assurez-vous que personne n'a un iPhone avec lui. Et ça, c'est dur de ne pas avoir aucun iPhone autour de toi. C'est incroyable. On est entouré d'iPhone. Et voilà. Maintenant, je vous parlais justement d'iCloud. J'avais dit j'en parlerai tout à l'heure. Il faut l'expliquer un peu à Marie-Pierre. Oui, oui. Parce qu'elle a un peu de mal à saisir le truc, ouais, à nous suivre. Je sais pas, tu veux-tu l'expliquer? Tu vas probablement être meilleur que moi. Et on va essayer à deux, voir qu'est-ce que ça va donner. OK. Donc, iCloud, service en ligne dans le nuage de l'Internet où tu peux, où tes données vont être stockés. Donc, chez Apple, il va y avoir plusieurs serveurs. Plusieurs serveurs. Des tonnes de gros serveurs. Où toute la musique que tu as téléchargée, les applications que tu as téléchargées, les logiciels du App Store, n'importe quelles affaires que tu as chez Apple vont être emmagasinées dans ce serveur-là. Ben, pas les tiennes, mais des... Dans le fond, des doublons, des images de. Ouais, exactement. Si tout le monde achète la même application, il l'aura pas 5000 fois dans un serveur. Exactement. C'est la même chose pour la musique. C'est qu'elle va être liée, dans le fond, à toi. C'est-à-dire, toi, t'as acheté, mettons, une pièce des Beatles, ben, il va être écrit, si on veut, dans quelque part dans le serveur, que cette pièce-là des Beatles t'appartient. Donc, si jamais tu veux aller la rechercher sur le serveur, ben, tu vas pouvoir la puiser. Mais j'imagine aussi quelqu'un, par exemple. Est-ce que tes amis qui sont inscrits sur ça peuvent voir ce que tu télécharges ou je comprends pas exactement. Non, mais c'est, non? Okay. C'est plus personnel, même que c'est quasiment antisocial comme principe. C'est okay, vraiment okay. Tes trucs c'est à toi. Tes choses à toi, mais sur Internet. C'est sur ça. Internet. Okay. Là, on parle de tes calendriers, tes rendez-vous que tu as. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va être dans un nuage qui va être toujours avec toi, toujours au-dessus de ta tête. Donc, si tu vas sur ton iPhone, sur ton MacBook, sur ton iMac, toutes ces données-là vont être synchronisées en temps réel. Donc, aussitôt que tu ajoutes un contact sur ton MacBook, tu vas l'avoir sur ton iPhone, etc. C'est vraiment c'est centralisé. C'est à toi, c'est ta vie dans le nuage. Tu vas pouvoir prendre des notes dans un document et ça va être envoyé directement à ton ordinateur ou à ton iPad, ton iPhone. Voilà. Aussi, je voulais dire de quoi, puis je suis en train de l'oublier déjà. C'est incroyable. Ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est justement que tu vas pouvoir avoir accès n'importe où c'est que tu vas. Puis pour ce qui est de si les amis peuvent voir qu'est-ce que tu as téléchargé ou qu'est-ce que tu fais, il va peut-être avoir une possibilité de le faire parce que si tu regardes, il y a également des applications comme Dropbox qui existent déjà où c'est comme une boîte à trucs que tu peux mettre dans ton ordinateur qui se retrouve sur un serveur également sur Internet dans le nuage. Une très bonne alternative à Dropbox, c'est aussi il y a Cloud App, juste une application qui s'appelle Cloud sur l'App Store. Oui, c'est vrai. C'est vrai, exactement. J'ai vu ça. Ça me fait penser à... Je me rappelle plus du nom, ça me vient pas en ce moment. C'est, il me semble que c'est Drop quelque chose, ou en tout cas, où les utilisateurs de Mac... un à côté de l'autre va pouvoir partager des fichiers. C'est comme le transfert de fichiers par le dossier public. Ça va être très, très intéressant. Mais pour c'est revenir concept à... Tamagotchi. Tu connais les deux trucs. Maintenant, avec les iPhones, on peut donner des coups pour pouvoir s'échanger des trucs. On va pouvoir faire ça avec les ordinateurs. On va se passer à coup d'ordi. Mais si Apple peut sortir un chargeur de batterie, comme ils ont fait il y a quelques mois, c'est le chargeur Apple, ils vont sûrement pouvoir faire un iTam ou quelque chose du genre, un petit animal de compagnie, une petite bête Apple, ça serait une tellement petite pomme simple. Avec des yeux. En même temps, Apple sont mieux de rester plus dans le milieu de l'ordinateur parce qu'on sait que leur activité dans les jeux vidéo, etc., ça a vraiment mal été la avec le Pépine à l'époque. La Pépine! Il avait sorti une console de jeu en 1995, je crois, qui s'appelait la Pépine. Il y a eu genre trois jeux qui sont sortis là-dessus. Personne n'a acheté la console. C'est ça. Est-ce qu'il devrait sortir, avec toute la mode du mariage royal, juste la pipa? Oh, ça ne part de fesses avec pour un nouveau lecteur CD. Pas sûr. Wireless, le Pépa. Je sais pas. Okay. Tu sais Pépa. Les lecteurs CD sont pas encore wireless, non, ce qui est dommage par contre. Ça pourrait le faire. Mais. Donc, ce qui est dommage avec iCloud par contre, c'est que peut-être qu'au Canada, on n'aura peut-être pas accès à l'intégralité du service. Ouais. Entre autres parce que les lois au Canada concernant les droits d'auteur pour la musique sont assez différents. Strictes. Et assez strict exactement de ce qui est différent aux États-Unis ou en France, peu importe. Il faut payer des licences qui sont extrêmement chères et il y a d'autres compagnies comme, je crois pas Last FM, mais... Pandora, exactement, qui eux essaient de percer le marché canadien qui offre de la musique en ligne dans le nuage, justement, et qui n'ont pas accès justement à ce marché-là parce que les licences sont vraiment trop chères et c'est toujours de renouveler les droits. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'iCloud, je prononçais à la canadienne, hein? Les Canadiens parlent comme ça, iCloud. iCloud. Donc, ça, c'est Claude en ligne. C'est Claude. C'est ça. Donc, qu'on pourrait avoir accès à toutes nos choses personnelles, nos documents, nos calendriers, tout ça, mais pas à la musique. Mais pas à la musique d'IT. Il n'y aurait pas non plus le système de match, parce qu'il va y avoir un système de match pour les chansons qui sont pas dans le iTunes Store, mais que ouais. tu vas pouvoir matcher. Quand ils vont aussi upgrader les versions des chansons. Si tu as ouais. c'est-à-dire un MP3 192 kilobits par seconde, ben ils vont l'augmenter à 320 kilobits par seconde. La ils vont remplacer qualité. Ta version. Ouais, ça, c'est quand bien. Même bien. Il ouais. Faut rappeler, par contre, que ça va être ça va être gratuit. Et on va avoir 5 gigaoctets de données, moins ce qu'on achète sur la App Store et tout, que ça va être gratuit pour l'espace. C'est dans le fond, ton 5G qui va compter juste pour tes trucs à toi. Ça va pouvoir mettre tes documents là-dessus, c'est-à-dire. C'est pas juste pour la musique, là, c'est pour tes vraiment, photos. Là, tes incroyablement plein de trucs. Ça va pouvoir, mettons, tu prends des photos sur ton iPhone, synchroniser des photos avec iPhoto, etc. Mais, c'est beaucoup dire que Apple, par contre, ont toutes ces informations-là oui. gratuitement dans leur serveur. Et c'est ce qui ils sont très peu, contents. C'est ce qui fait peur aux gens un peu. Il y a beaucoup de ben, j'ai pas tendance à appeler ces gens-là des pirates, mais les gens qui téléchargent sur Internet illégalement des chansons. T'as fait pas ça des pirates? Non, ben, tout le monde le fait. Est-ce que tout le monde sont des pirates? Je veux dire, ça m'est arrivé, moi, dans ma prime jeunesse, avec Napster à l'époque, téléchargé. T'es un pirate. Non, je suis pas capable de rentrer une ligne de code. Je suis pas un pirate. Ah, ça n'a pas rapport, là. Ben oui, pirate peut être rapport. Plusieurs choses en même temps, n'est-ce pas, Marie-Pierre? À la limite, peut-être que je suis un corsaire, mais pas un pirate. Bon, un petit matelot, matelot de bas ordre. Ouais, dans le genre, j'ai juste un perroquet sur mon épaule, j'en ai pas quatre. Mais bref, il y a des gens qui ont peur que Apple détecte les chansons qui ont été téléchargées illégalement et les efface de iCloud. Et le but d'iCloud aussi, c'est de rendre ton disque dur pratiquement inutile. S'ils se mettent à faire ça, c'est qu'ils vont tellement frustrer leurs utilisateurs que je pense pas qu'ils passeront au travers d'une crise comme celle-là. Donc je pense Mais il va y avoir les freaks, les Mac freaks, dans le fond, qui eux achètent sur iTunes depuis que l'iTunes Store existe, qui eux vont être bien contents. Oui, mais tu vois, justement, c'est là je trouve qu'on parle d'Apple très longtemps, mais quand même, et j'en suis très heureux, mais pas tout le monde. Moi, le principe que j'aime avec le iTunes Store et aussi le Mac App Store, parce que j'utilise le Mac App Store et j'en suis très très heureux, parce que j'aime encourager des petits développeurs qui ont pas beaucoup de ressources et puis qui codent un logiciel fantastique. Et qui n'ont aucune reconnaissance. Et là, maintenant, depuis que le Mac App Store est arrivé, on peut leur donner un petit dollar, qui est vraiment rien quand tu as vraiment envie quelque chose. Des trucs que tu n'aurais pas acheté de toute façon, moi, personnellement, ça ne me dérange pas de les télécharger illégalement. Mais les choses que j'aime et que j'utilise à tous les jours et que je veux encourager, ça me dérange pas. Oui, mais ça, c'est comme télécharger un album de musique puis aller l'acheter après en version physique. Là, je veux dire, y a beaucoup de gens qui font ça. Ils vont télécharger un album illégalement, en parenthèse, pendant peut-être un mois. Et quand ils vont tomber sur une version physique, une version en vinyle ou en CD, ils vont l'acheter. Mais je trouve ça tellement plus fun d'avoir le CD dans tes mains. Oui, exactement. Et télécharger une chanson, on dirait... C'est rien. Non, mais moi, j'aime vraiment avoir le CD. Puis bon, c'est mon CD, je peux l'écouter. Je le traîne dans l'auto. Je sais pas, c'est pas la même chose. Juste de avoir rechercher la musique aussi, c'est intéressant. Parce que télécharger de la musique, ça peut se faire en 3 secondes. Je veux dire, t'écris Mediafire, nanana, et tu trouves ton album. Le conseil de la semaine est présenté par Simon Fitzbeck. Mais non. Mais c'est un exemple. Ouais. Et de trouver le disque par après, parce que, mettons, Fleet Foxes, j'ai toujours pas acheté l'album. J'ai entendu en ligne... Non, je m'explique. J'ai entendu l'album en ligne dernièrement, parce que avant de sortir l'album, on pouvait l'écouter sur le site de NPR. Moi, j'achète en vinyle et j'ai pas encore trouvé de version vinyle. J'essaie de pas le commander sur Internet. J'attends de le trouver dans un magasin, préférablement indépendant. Mais bref, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de rechercher sa musique. Puis télécharger, c'est un peu trop facile. Mais c'est le fun de fouiller dans les magasins de musique. Ah oui, c'est un plaisir coupable. Au moins une fois par semaine. Ah, quand moi, même. C'est un peu moins souvent, mais quand je le sais, ça vaut la peine. Ben, c'est bon, ça. C'est bien. C'est bien d'encourager aussi l'industrie. Maintenant, on peut passer à Facebook si t'es tanné de parler d'Apple. Oui, allons-y avec une nouvelle de Facebook. En fait, c'est Facebook contre Apple. Bon. En fait, c'est le projet Spartan. Je ne sais pas si t'en as entendu parler. Non, pas encore. C'est le nom que Facebook aurait donné à son projet de réseau social mobile qui serait en HTML5, c'est-à-dire qu'il pourrait être joué sur Safari. Oui, parce sur que iPhone. Tous les appareils d'Apple n'ont pas de flash alors que Android et les autres l'ont. Exactement. Et donc, Facebook, c'est-à-dire, pourrait utiliser cette plateforme HTML5 justement pour envoyer. Leurs informations sur le iPhone et l'iPad et éventuellement HTML5 va remplacer tout ce qui est flash de toute façon. Tout ce qui est YouTube, donc, de toute façon, il y a déjà une version HTML5 de cette vidéo. Ouais, YouTube.us, je crois. Genre. Tout est en HTML5. Bref, je pensais, moi, à l'époque, je pensais que c'était quelque chose qui allait être complètement difficile de passer du flash au HTML5. Ouais. Finalement, c'est juste un changement de code. Ben, c'est ça. Une fois que le monde veut vraiment changer. Ça se fait. Et donc. Les QuickTime avant. Il n'y a plus de Real Player non plus. Il faut passer à autre chose. QuickTime, Real Player. c'est ce qui me ramène dans le passé. Le bon vieux temps. Oui. Facebook. Facebook, donc, contournerait le magasin d'application d'Apple. C'est-à-dire que tu serais pas obligé d'acheter l'application Facebook pour avoir sur ton téléphone. Et tu pourrais donc pouvoir jouer à Farmville ou etc. Poker, peu importe, sur ton Facebook et sur ton téléphone. Ouais. Hey, ça me fait penser, je me demande, de quoi aurait l'air C'est fou si on était en... comment t'appelles ça? En Real Player? Ça sonnerait très mal. Buffer, buffering, buffering. Je ne comprends pas. Dans le temps, quand tu as des vidéos. Quel âge, Marie-Pierre? Ouais. 23. Je viens d'avoir 23. T'allais pas sur Internet quand t'étais jeune? Ben, moi, j'ai eu ma première ordinateur, je pense que j'avais 15 ans. OK, OK, mais c'est pas super que ça. Non, mais... mais j'étais pas douée. Des fois, les choses arrêtaient comme tout ça. Puis là, ça repartait à un moment donné, non? Avant YouTube, là, ça fait... Hey, Real Player, tu peux aller voir des bandes-annonces de films, mais bien souvent, juste avec le loading, tout ça, ça pouvait prendre facilement 15 minutes pour écouter une vidéo d'une minute. Là. C'était les vidéoclips également qui étaient là. C'est intéressant. Les Rolling Stones ont fait le premier concert en ligne sur Real Player, justement. Ah oui? En 1995. Concert de 2 heures qui en a duré 6. Dans le genre, ouais. Il fallait avoir une très, très bonne, très, très, très, très bonne connexion Internet et préférablement l'écouter de nuit parce qu'on sait que ça va plus vite Internet la nuit. Dans le temps que c'était par téléphone. Ouais. Mais bref. Donc, on va prendre une petite pause, ça te dérange pas? Oui. On va revenir tantôt, on va écouter La Marge de Monogrenade sur le palmarès francophone pour faire changement un petit peu. On écoute ça dans la vie de croisière d'assemblage requis. Sur C'est fou. Hop. Buffering. Buffering. Blague est finie. Mémoire tampon. La marge de Monogrenade dans la vie de croisière d'assemblage requis. On est toujours à l'intérieur de la chronique. Attention, le scout des internets. Scout des internets. Scout des internets. Allez, papa. Simon? Oui? On est rendu où? On est rendu... en fait, est-ce que ça vous tenterait d'aller manger avec Julian Assange? Oh, le gars de WikiLeaks. Oui. Ah, OK. Le gars qui a l'air un peu psychopathe et sociopathe, et etc., qui est vraiment bizarre. Ça, c'est, on appelle ça des insultes. Là. Il pourrait t'en revenir. Ah, j'ai peur, c'est fou. Tu viens d'atteindre sa... Mais non, mais il sait là, qu'il est spécial. J'imagine, il s'assume. Non? Et, ben, faut dire qu'il y a eu quand même les derniers mois assez difficiles. Mais c'est qu'il a mis sur eBay une mise en fait aux enchères d'un souper avec lui. Il y a 8 places disponibles. la principale enchère était à 1000$ hier après-midi. Okay. Donc, probablement que ça a augmenté. Il va prendre les 8 chanceux donc pour un repas où il va parler de la liberté d'Internet et les États-Unis. Ça peut être intéressant. Oui, ça peut être intéressant, mais il y a des discussions intéressantes. On peut écouter ses vidéos sur Internet et c'est pas juste « je n'ai pas m'arrêter, j'ai pas violé la fille » ou peu importe. Des fois, il va parler de la philosophie derrière WikiLeaks, derrière l'Internet, derrière les pays qui cachent les informations. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais c'est vrai que c'est un bonhomme bizarre. Donc, je sais pas si j'irai manger avec lui. Une date avec Julian Assange. Oh. Ça coûte 1000$, il faut y repenser. Hein? Ouais, mais 1000$, si c'était hier, peut-être que ça a augmenté de prix encore. Puis après ça, faut que tu y payes le cinéma, là, ça coûte cher. Ouais. Effectivement. IBM fête ses 100 ans, jeudi. D'ailleurs, oui. Dans la presse d'aujourd'hui, il y avait une belle publicité où on faisait des chiffres récents avec tous les trucs qu'IBM ont fait dans les dernières années. D'ailleurs, il y avait le petit pingouin de Linux, dans quelque part. Ah. C'est intéressant. IBM qui a ouvert, qui faisait des machines. En fait, je ne sais même pas comment ça devait être des calculatrices IBM, en fait, au début. Je sais que le nom, en tant que tel, c'est International Business Machines. Ouais, exactement. On fabriquait des machines donc mécaniques au début. On s'est dirigé vers les ordinateurs avec le temps. IBM qui a 200 milliards en actifs boursiers. C'est quand même pas trop pire. Hein. Mais c'est pas autant que Microsoft. Et c'est beaucoup plus qu'Apple. Maintenant, parlant d'Apple, justement, l'iPhone. Mathieu, est-ce que tu as un bon code pour ton iPhone? En fait, j'ai même pas de code. J'ai pas de code. Tu fais bien. Ça, j'aime pas ça, les gens qui verrouillent. Parce que c'est trop le fun de jouer avec ça. C'est ça. Puis il est sur moi. Je veux dire, à moins que je le perde. Et si je le perds, quelqu'un va réussir à de toute façon... Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un laisse traîner son iPhone, puis là, tu rentres n'importe quel chiffre aléatoire, puis là, ça bloque pour je sais pas combien de temps à chaque fois. Tu peux pas avoir accès à ton iPhone. J'ai vu une photo l'autre fois, il était rendu à peu près 1 million de minutes qu'il fallait qu'il attende pour pouvoir débloquer son iPhone. Et vu que c'est une combinaison de chiffres sur le iPhone, disons que c'est très simple à deviner pour certains. Exactement. On dit qu'un 2, 3, 4 ne protège pas le téléphone. Et aussi 000, 111. Donc, ce sont les chiffres préférés par les propriétaires du iPhone. C'est Marie-Ève Moras qui écrit ça sur Cyberpresse. Le pire, donc, c'est que quelqu'un qui te voit le faire, il voit tout de suite que c'est 4 fois le même chiffre. C'est ça. Ça, c'est le pire. Cache-toi, puis il trouve dans le nom. Exactement. Et donc, on dit que 15% de tous les mots de passe utilisés, c'est 1, 2, 3, 4. 0000, c'est 10% des codes choisis. Donc, allez, c'est déjà 25% les plus faciles. Un peu d'imagination. Oui, c'est ça. C'est pas comme si c'était dur à retenir ces 4 chiffres. Là, mais en ça veut dire qu'en sachant ça, t'as déjà une chance sur 4 de déverrouiller un iPhone que tu pourrais trouver. Avec ces deux mots de tête, mots de tête, là. Allô? 1, 2, 3, 4 ou 0000, là, tu viens de débarrer. Comment t'as dit, la moitié? C'est un quart. Un quart de iPhone. Wow. C'est assez incroyable. Donc, faites attention et puis perdez pas votre iPhone non plus. Oui, exactement. Vous pouvez trouver également des mots associés comme 5683, c'est love. Ah, love. Ouais, c'est un mot de 4 lettres, donc vous pouvez tout simplement utiliser ça. C'est fou, c'est 2, 3, 6, 8. Si vous voulez faire c'est fou là, sur votre... C'est pas pire, ça. Ouais. Ouais. Donc, voilà pour ce qui est du iPhone. Et ça, c'était l'iPhone, comme iPhone dans l'équipe. Google, maintenant, qui investit 280 millions dans un projet d'énergie solaire. Ça, c'est très bien de leur part parce que, bon, on sait que Google n'est pas très, très écologique avec les serveurs qui sont alimentés au charbon, les centrales au charbon. C'est des petits bébés qui brûlent. Oh. Ah, excuse-moi. Il faut s'imaginer ça pour qu'ils soient encore plus méchants. Ouais. Mais bon, ils ont investi cet argent-là dans un projet destiné à répandre l'usage de l'énergie solaire chez les particuliers. Donc, c'est encore mieux, c'est chez les gens dans la vie de tous les jours. Ça s'appelle Solar City, la société qui ont financé. C'est pour c'est-à-dire favoriser l'installation d'équipements solaires chez les particuliers et les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Et entre autres, il offre beaucoup donc d'argent pour réduire les prix des panneaux solaires. Chose qu'on devrait tous s'informer si on s'achète une maison ou même un condo, peut-être d'installer des panneaux solaires à l'extérieur. On pourrait sauver beaucoup d'argent à la longue. Et finalement, le plus gros super ordinateur au Québec se retrouve à l'ETS maintenant. Il s'agit d'un super ordinateur Cloumec qui a été acquis par la société IBM pour 8,3 millions de dollars. C'est un projet... Oui. C'est pas si cher que ça. Super ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres? Il est super. Oui, il est super. Ben non, mais ça fait partie des catégories d'ordinateurs qui peuvent prendre une pièce au complet tellement que c'est gros et que ça va hyper rapidement. Okay. C'est pour calculer ben, souvent des calculs hyper compliqués. Ou, des trucs de médecine peut-être. Ouais, des trucs de médecine, des recherches hyper avancées. On a besoin de gros ordinateurs pour le faire. Et on dit qu'il requiert autant d'électricité pour alimenter que 400 maisons. Donc, c'est un peu incroyable. Ça va être utilisé entre autres par l'ETS, mais aussi par McGill, l'Université Laval. L'Université Laval qui en ont acheté également un il n'y a pas si longtemps que ça. Un gros ordinateur. Et c'est dans le fond, c'est plusieurs serveurs, plusieurs disques durs mis ensemble. Et voilà. Mais je connais pas tant que ça les super ordinateurs. Non, mais ça doit aller très, très vite. Mm-hmm. C'est pas pour nous autres. Non, malheureusement. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout. Oui. Il n'y a plus rien, non? Il n'y a plus rien. Wow! Google et Apple en font des choses. C'est incroyable. Ouais, on dirait qu'il y a juste Google et Apple en vie, ça. Non, mais tu sais, sur Internet, il y a beaucoup. La part de marché de Google et Apple, surtout dans les nouvelles, c'est incroyable comment que c'est un mode de pas. Oh, oui. Surtout dans les nouvelles traditionnelles, je ne sais pas si on irait sur chaque site. Non, c'est ça. Et c'est que chacune de ces deux compagnies-là ont tendance à faire des choses qui sont différentes des autres. C'est sûr que si on parle de petites compagnies qui font la même chose que tout le monde fait, c'est pas facile. Mais eux ont les moyens d'aller plus loin, de penser d'innover. À autre chose. Ouais, exactement. Voilà. Merci donc, Simon. Mais merci. À la semaine prochaine. À la prochaine. Même Google Earth, même Apple. On a parlé de Facebook aussi, là. C'est vrai, Come on. C'est vrai. Mais ça aussi, c'est une grosse partie des nouvelles. Hey, ouais. J'ai un petit truc à parler la semaine passée. Je vous avais parlé de... Tu sais, Google, des fois, il projette... Oui. Bon, tu sais, il y avait la guitare qui jouait, OK? Hier, c'était l'éclipse solaire qu'on pouvait voir. C'est vrai, effectivement. C'était très beau. Ouais, on ne pouvait pas ça. La voir d'ici dehors, mais je pense que c'est en Asie, Europe, un peu partout dans le monde. Eux, ils pouvaient voir l'éclipse solaire totale. Éclipse lunaire totale, pardon. Donc, on pouvait voir ça sur Google, c'était bien. Et moi, justement, parlant de cette guitare-là, Google, elle a été sauvée. Vous pouvez aller, vous écrivez tout simplement Google Guitar sur Google et vous allez revoir le doodle où vous pouvez jouer. Il y a des gens qui ont trouvé des pièces comme, mettons, 5-5-6-7, c'est genre Poker Face ou Paparazzi de Lady Gaga. Okay, on peut faire la marche impériale, on peut jouer avec le clavier aussi. C'est ouais, exactement. T'as hâte d'essayer, hein, Mathieu? Ben, j'y vais. Donc ça, c'était ça, voilà. Alors que moi, sur Tua.com, un site d'Apple, encore une fois, ça a rapport dans le sens que c'est une... Il nous parle d'un site web qui s'appelle... comment il s'appelle? En tout cas, c'est Adweek qui a ajouté en ordre chronologique toutes les publicités d'Apple. Ah oui! De Get a Mac. Là, c'était des bonnes publicités. Donc j'ai posté, ou je vais poster le lien sur assemblagerequis.com à l'instant dans ta belle petite chronique... Le scoop des internets. Merci. Sur assemblagerequis.com. Donc merci à toi. Ben merci. Voilà. Dans quelques minutes, on va parler avec Myriam Fugère avec sa nouvelle chronique culturelle. On peut lui demander quelques petits mots rapides sur ce qu'elle va nous donner tantôt dans sa chronique. Un petit avant-goût sympathique avec Myriam. Ben, en fait, ce qu'on aura, c'est une espèce de survol de ce qui se passe cette semaine au niveau culturel. On va parler, entre autres, du Gambrinus. On va parler de contes, de légendes et également d'un show ce soir qui se passera au Nord-Ouest. Ah, ben d'accord, c'est tantôt dans la chronique culturelle de Myriam. Pour l'instant, Marie-Pierre, on prend une petite pause. Oui. On est dû. On est dû. Puis on revient avec plus de la vie de croisière d'assemblage requis. Restez là. Flight director confirms that we are looking at 89. Working with the recovery forces to see what can be done at this point. Vous êtes à bord du SS Requis. Attention requin. La pièce Feu de poubelle de Méta Gruau, c'est sur leur maxi Feu de poubelle Jupiter. C'est sur le palmarès francophone en ce moment et c'est une nouvelle entrée en position numéro 20. Évidemment, cette semaine, c'est le palmarès anglophone qu'on écoute, donc on y retournera tantôt. On a plein temps, 4, je pense, pièces à entendre pour encore une heure et demie. Hein? Hein? Donc, on va accueillir notre nouvelle chroniqueuse culturelle. Et là, j'ose pas dire temporaire, mais même si c'est un peu ça. Dis-le, garde-toi, là, vas-y. La chroniqueuse culturelle temporaire. Myriam Fugère, tout de suite. La chronique culturelle avec Myriam. C'est un peu réducteur de dire ça comme ça, mais c'est qu'on l'emprunte à l'émission Le Dîner de Cons. Et oui, et d'ailleurs, justement, parlant du Dîner de Cons, je faisais cette chronique, si tu veux, dans cette émission-là. Puis, je parlais bon souvent de ce qui se passait le mardi. Et ayant été juge au Mardi de la Relève, ben là, il y a eu, c'est sûr, la pause pour les Mardis de la Relève, mm-hmm. pour les shows du mardi, les mardis live, je crois, les mardis ouais. live, voilà. Donc, ça s'est repris depuis quelques semaines. Et puis là, bon, le 21 juin, on reçoit Irish Bastards, qui est en fait un groupe traditionnel irlandais. Les bâtards irlandais. Voilà. Je sais pas si on va avoir des personnages du genre de Brad Pitt dans le film Inglourious Basterds. Ah, peut-être. Ou du colonel méchant. Là, et tout ah, ça. Il est tellement bon, le colonel méchant. Dans, ah, ouais, dans excellent. Les... C'est sûr qu'il enlève la peau de la tête du monde. C'est quoi? Là, c'est des... Inglourious Basterds. Ouais, non? Ouais. C'est ça? OK, ouais. Ah non, c'est... Ouais. J'espère que ce sera pas aussi bâtard que le film Inglourious Basterds. Donc, ils vont être... en fait, c'est du traditionnel irlandais. Et puis, ben, pour ceux qui connaissent le Gambrinus, ben, pour la bonne bière et le sens de la fête qui règne là-bas, ben, c'est sûr que c'est toujours agréable de s'y rendre. Tout à fait. Donc, je vous invite à y aller le 21 juin et c'est à compter de 9h, seulement 5$. Donc, pour une bonne soirée, c'est pas très cher. Mm-hmm. Ensuite de ça, ben, on a... dans les prochains jours, en fait, du 17 au 19 juin, ça commence dès demain, bien, c'est le Festival des Contes et Légendes qui se passe à Trois-Rivières. C'est un événement historique intéressant parce que c'est super instructif, t'en apprends, bien, c'est sûr que c'est des légendes puis tout ça, mais c'est le fun de se plonger dans un imaginaire, je crois. Et puis, bien, ça se passe au parc portuaire, il y a des spectacles, des soirées de contes, il y a de l'animation historique ambulante, il y a divers jeux aussi qui seront là. Donc, c'est une vingtaine de participants à travers le Québec qui viennent à Trois-Rivières pour nous ensorceler, si vous voulez, nous sortir des histoires plus abracadabrantes les unes que les autres. Et d'ailleurs, sous cette thématique-là, ben le 20, à partir du 20 juin, c'est le marathon du conte qui commence au Trou du Diable. Oh. En fait, je sais pas exactement si c'est la première année que ça se passe, mais il y a plusieurs... il y a 7 conteurs qui vont être là à compter de 19h. Donc, pour vous ensorceler, encore une fois, vous raconter des contes. Et puis, il y en a qui sont très connus, qui ont été là. Je parle de... J'ai juste son nom de famille en tête. Là, c'est Deschaines. Michel Deschaines. Oui, voilà, Michel Deschaines. Il y a une émission sur les ondes de C'est fou en saison régulière, à l'automne et à l'hiver. L'émission des oreilles pour écouter les dimanches à 17h, heure de l'Est. Hein? Et bien, voilà. Et bien, lui, justement, racontera à ce moment-là. Puis, il avait été également au Nord-Ouest durant une soirée, je pense à la Sainte-Patrick, justement, raconter des histoires traditionnelles et tout ça. Oui, et il fait aussi le troisième vendredi de chaque mois, le Cercle des conteurs de Trois-Rivières au Nord-Ouest Café. C'est à peu près ça que tu viens de dire. C'est à peu près ça. C'est ça. Mais c'est tellement le fun que les contes, c'était quelque chose qui était un peu perdu, puis ça revient en force depuis quelques... Exactement. Depuis Fred Pellerin, on dirait, il y a comme... Ça ouais. revient tout d'un coup. Mmh. Les conteurs sont très en vogue ces temps-ci. Oui. Très, très à la mode. Et puis, c'est tant mieux. Oui, voilà, parce que c'est quelque chose qui... Tu sais, ça nous ramène un peu à notre enfance où nos parents, bon, nous racontaient des histoires et tout ça, puis on dirait qu'on devient des enfants, on les regarde avec des étoiles dans les yeux, puis aussi, ça, des fois, ça fait un peu peur. Juste aux vieilles forges, je sais pas si tu es déjà allé visiter la forge, justement. En tout cas, là-bas, les guides nous racontent des petites anecdotes, des contes, des espèces de légendes sur le trou du diable. Mais j'en reviens pas, vous êtes ça jamais... Ça revient à nos racines, mais non, je suis jamais allée. Je tombe en bas de ma chaise. Moi, si je suis pas allée 5 fois avec l'école, je suis jamais allée, là. Ah, ouais. Non, désolé. Eh bien, donc, vous devriez y aller. Vous allez écouter toute la légende du trou du diable et tout ça sur le bord du Saint-Maurice. Très intéressant. Je vous invite à y aller justement pendant l'été parce que c'est bien fun, c'est bien beau. Ensuite de ça... avant-dernier truc, avant que je vous fasse écouter ma petite pièce musicale que je vous ai apportée, eh bien, La Fenêtre, qui est un centre d'immersion aux arts. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je faisais ma petite recherche, puis j'ai découvert ça, en fait. Le 17 juin, donc demain, il présente une adaptation spéciale de la comédie musicale Le Petit Prince. C'est le spectacle de fin d'année. Mais un instant, OK? On parle d'adaptation spéciale et puis j'ai vu à côté comme des espèces de communiqués de presse qui ont envoyé une photo du Petit Prince. Le Petit Prince est quand même assez baraqué, barbu. Il y a sa petite moustache, puis il y avait sa perruque de Petit Prince, son costume du Petit Prince. Mm-hmm. Puis ça nous laissait à peine entrevoir ses cheveux foncés sur la perruque blondinette, hein? Du Petit Prince. Ben voyons donc. On dirait que ça me troublerait. C'est mon rêve d'enfance, là, puis je verrais avec une barbe, là, on dirait que je serais de troublée. Ça a l'air un peu trash. Quand on parle d'une adaptation spéciale, ouais, c'est peut-être un petit trash qu'on va voir. Là. Je pense que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à ça. Ça se passe à la salle Anaïs à la Rousseau. C'est 12$ pour les adultes et 10$ pour les étudiants. Mais les étudiants adultes ou pas adultes, okay, c'est en tout cas. Puis les enfants qui se déguisent en adultes beaucoup plus vieux qu'eux autres? Ils sont dans la pièce. Ah, c'est ça. Donc, c'est à 19h30. Et puis, si vous voulez vous procurer des billets, c'est à la salle Thompson, à la fenêtre, qui est au 460 rue Saint-Georges, ou à la porte. Moi, je trouvais ça très drôle en l'écrivant. J'ai écrit à la fenêtre et à la porte. Ben oui. Oh, mon Dieu. Mais par où passer? Le Père Noël prend la cheminée. On vient que ça. Voilà, exactement. Puis le Petit Prince prend la planète. Et voilà. Donc, finalement, jeudi soir, donc ce soir, c'est à 21h au Nord-Ouest qu'on peut aller écouter The East Road qui va avoir en première partie de Hemingway's. J'ai fait une recherche pour avoir The East Road un extrait. Simplement, je suis ressortie bredouille de ma recherche. Aucun MySpace, j'en revenais pas, en tout cas. Mais de Hemingway's, par contre, m'a pas laissé sur ma faim. C'est ce que je veux vous faire écouter. J'ai écouté des extraits sur MySpace, puis c'est beaucoup... j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est folk, acoustique, c'est relaxant, puis c'est apaisant, je vous dirais. Ah oui. Ça nous transporte. Donc, wow. Je vous invite à y aller, 8$ à 21h ce soir au Nord-Ouest. Et je vous fais écouter To Wage a War, donc de Hemingway's. Et puis, en revenant plus tard, là, j'aimerais ça te parler d'un petit sport que j'ai essayé. Ah ouais, toi, ouais, tu fais du sport, ouais. Toi. Fais du sport, moi. Eh ben. On écoute ça à la vie de croisière, l'assemblage requis, tout de suite. Devrais jouer. MySpace est rendu avec un nouveau pop-up. Puis j'ai fait plus, ça marche pas. Tu peux faire une playlist aussi avec toutes tes. Ça n'a pas d'allure, hein. Je vais continuer de pas y aller, tu sais. Ah ouais, continue. Ouais. Ça va bien. Lâche pas, Mathieu. On devrait l'avoir. Non, mais MySpace, en ce temps comme ça, on a des petits problèmes. Le pire, c'est que je l'ai préchargé tout à l'heure. Ah ouais? J'étais vraiment prêt, il marchait. Là. Ah, avec. Apprécie donc. Hemingway. Closing up on her. She can see the flames waking up her skin. She can see in the air that the smoke is rising. She can battle all she wants, yeah, she can wage war. She can see the shadows dancing on the wall. And the last floating all around. Is he just a flame or a cool breeze? And we're doing nourished heat. She stars waking up her skin. She can see in the air that the smoke is rising. She can battle all she wants. Yeah, she can wage a war. She can wage a war. She can wage a war. She can wage a war. She can wage war. Chanson se termine sur des coups d'orage. Ouais. Je sais pas trop. Ça donne envie de danser sous la pluie. Mais faut faire attention pour pas s'électrocuter, par exemple. Ben oui. C'est bien dangereux. On a entendu de Hemingway. Oui, Hemingway, c'est To Wage a War. D'accord, ils sont toujours dans la chronique culturelle de Myriam. Attention. La chronique culturelle avec Myriam. Ouais, c'est des thèmes à Dany, hein. J'ai pas de thème de retour de chronique. Bon. Donc, The Hemingways, on aime beaucoup ça. Très bon. Ouais, j'ai aimé. C'est planant, on dirait. C'est super relaxant. Puis ça se ressemble pas mal tout. Je dirais qu'elle a bougé un peu plus que les autres. Okay, OK, donc c'est très calme. Ah ouais, c'est plutôt calme comme musique. Mais je pense que c'est quelque chose qui est envoûtant. Allez voir ça en spectacle. Donc ce soir, 21h, au Nord-Ouest Café. Parfait. Moi, ça me donne envie de les suivre jusque dans un trou. Je sais pas si vous pognez la blague. Non, les Lemmings, les petits bonhommes. Ah ouais. Les jeux vidéo et tout. Là. Tu peux les faire suivre ou pelleter ou non. Mm. Personne n'a joué à ça. En tout cas. On disait. Oui, ben tout à l'heure, je te disais, bon. Ben, j'avais une idée, là, si ça t'intéresse ou pas. Je fais un essai de chronique. Okay. En fait, c'est une espèce de vu, lu, entendu. Okay. Un truc comme ça, quelque chose que je vais avoir découvert durant la semaine. Okay? Okay. Mais là, j'ai essayé un truc cette semaine qui s'appelle le slackline. Je sais pas si tu connais. Le slackline. Le slackline. Slack. Traduction de la ligne molle. OK. Voilà. Ah ouais, c'est officiellement ça? Ben oui. OK. Officiellement ça, sur Internet, dans le fond, parce que c'est une ligne molle, finalement. C'est ça ressemble un peu à ce qu'on peut utiliser pour faire de l'escalade, ce qu'on peut utiliser également pour faire... mettons que tu veux déménager, là, supposons, puis tu utilises des espèces de, le mot vraiment pas français, des straps, donc avec une espèce de cric pour en tout cas, tu fais une image. Bon, enfin, donc on accrochait après des arbres, ça ressemble un peu à du funambulisme, c'est sauf qu'au lieu de marcher sur un fil d'acier avec un balancier, ben tu marches plutôt sur une bande légèrement élastique, sans aucun accessoire pour te stabiliser, que ton propre corps et tes propres muscles. C'est donc un sport. Oui, c'est très sportif. Je te dis, je me suis levée le lendemain matin, j'étais bien raquée. J'aurais dû m'étirer. J'avais mal dans les côtés du corps, j'avais mal aux jambes. Donc, c'est un entraînement. Puis, d'ailleurs, en fait, ça existe depuis 1980. Ça a été créé en Californie, à ce qu'on peut penser. Donc, ça existe quand même depuis un bon moment. C'est juste très underground. Voilà. Ça l'est peut-être encore un peu. Mais ça commence à émerger, je pense, de plus en plus. Ça fait un peu clown comme sport, je dirais. Donc, ça a été inventé, paraît-il, par des grimpeurs qui ne savaient pas quoi faire de leur excès de sangle. Donc, d'après moi, ils se sont dit, coudonc, je vois deux arbres, on a toujours bien accroché ça après les arbres. Ben, pourquoi donc, pas? Donc, c'est ça, tu fais le tour de l'arbre, puis ça t'en prend deux. Donc, c'est sûr que plus les arbres sont éloignés, plus ça va être complexe parce que plus la corde est molle. Ah, ça a l'air tellement pas sécuritaire, ça. Ouais, mais tu le mets pas trop haut non plus. Non. Et gare à tes chevilles si jamais tu tombes, là, mais c'est sûr qu'il faut faire attention à la manière dont tu descends de la slackline. Donc, ici, on parle bien d'avancer lentement sur la bande, justement. Donc, pas trop rapidement. Puis, c'est ça qui est le plus difficile, en fait, d'aller vite. C'est pas trop dur parce que t'as rapidement fait toute la longueur. Mais quand tu vas plus lentement, c'est là qu'il faut que tu gardes plus ton équilibre. Donc, à l'aide de tes jambes ou un truc que j'ai développé, tu peux chanter. Tu peux faire... Club piscine. C'est ça, tu chantes ça, genre? Oui, exactement, tout à fait. Inside joke que personne ne comprend. Mais en faisant les tététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététét sais, tout fonctionne. Puis, mais non, vraiment, là, c'est de regarder face à toi. Regarde pas tes pieds, mais vraiment devant toi. Puis c'est là que tu vas être capable de plus te concentrer puis de suivre un point fixe. Donc, c'est environ large de 3 cm. 3 cm. La corde. Pas large, ça. Ouais, exactement. Ben, tu sais, c'est. Ben, 3 cm, ben. Honnêtement, c'est moi, mais. Ça, là. Moi, c'était plus que 3 cm, là. Ah, c'est sur Internet, des variantes. Là. Oui, oui, oui. Tu peux le mettre plus épais aussi, ouais. Là, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est un hamac, là. C'est plus rendu. C'est la clé. C'est plus un défi. Là. Sauf que moi, je te dirais que c'est à peu près 2 pouces, là. OK. Après ça, là, de large, celle sur laquelle j'ai été. Donc, c'est une pratique qui est très polyvalente. On peut l'installer sur 2 poteaux, sur 2 arbres, sur des murets, sur des ancrages. Donc, c'est à peu près tout ce que tu veux. D'ailleurs, j'ai mon amie qui m'a fait découvrir ça. Elle est allée au Costa Rica, puis elle a fait ça dans la ville, finalement. Puis, ils ont pété des poteaux de téléphone, je sais pas quoi, sans faire exprès, là, parce que... Mais tu sais, ben ils ont pété, non? Ils étaient un peu croches. Tu sais, ils ont croché. Enfin, bref. Mais j'ai été étonnée l'autre jour parce que j'ai vu des gens faire ça en plein milieu d'un parc. Puis je me demandais, mais voyons, mais c'est quoi ça? Puis j'ai pas toujours pas qu'on, je comprenais pas jusqu'à temps que tu me dises que c'est un sport. Puis je voyais, il y avait un des jeunes hommes qui jouait à ça. Il était en équilibre sur la corde, il avançait et il sautait dans les airs pour réatterrir sur la corde. C'était vraiment impressionnant. Caroline. Ah ouais, il y a beaucoup d'acrobaties qu'on peut faire. J'ai vu sur Internet des backflips. D'ailleurs, tout à l'heure, je pourrais aller poster un lien sur la page Facebook d'Assemblage Requis de Slackline, justement, pour que vous puissiez voir qu'est-ce que c'est. Le gars faisait un backflip très, très impressionnant, très difficile. J'en suis à essayer de faire un 180. 180 sur moi-même, donc c'est pas, je suis pas très athlétique encore à ce niveau-là, mais je devrais y retourner bientôt. Donc, le fait que ce soit polyvalent aussi, ben ça fait en sorte que tu peux le pratiquer autant en milieu naturel qu'en milieu urbain. D'ailleurs, justement, raison pour laquelle tu l'as vu au Parc Champlain. Et puis, ça attire beaucoup le regard aussi. Oui, tu fais ça. Puis, un peu comme toi, tu te demandais qu'est-ce que c'était. Mais nous, il y a des gens qui sont venus en faire avec nous, qui sont venus voir de quoi ça avait l'air. Oh, puis, avoir su, j'aurais tellement pu l'essayer. Mais oui. Mais est-ce que ça se pogne vite? Est-ce que ça s'apprend bien? Ben, je pense que ça dépend des gens. Moi, ça m'a pas pris trop de temps, mais j'avais une amie qui était là aussi, que ça prenait un peu plus de temps. Mais faut rester acharné, faut pas se décourager aussi. Mais il y en a qui ont un très bon équilibre déjà en partant, puis il y en a qui marchent, puis qui manquent d'équilibre un petit peu déjà en partant sur le sol. Mais c'est ça, c'est important de pas le mettre trop haut. Parce que, justement, si c'est dangereux, si tu tombes, tu peux te faire une entorse. Ou tu peux même te mettre un casque si t'as peur de tomber. Puis il y en a aussi, en fait, il y a différentes variantes. Donc, il y a le short line, le trick line, le jump line. Donc ça, le jump line, là, il faut la mettre vraiment, vraiment lâche. Là, la corde, faut pas trop la serrer. Puis tu sautes là, vraiment dans les airs. Mais un peu là, trampoline. Ouais, exactement, un peu dans ce genre-là. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Puis il y a certains, le high line, ça c'est vraiment dangereux. Tu la mets super haut, quelque chose comme 5 mètres dans les airs. Mm. C'est vraiment dangereux. C'est sûr que ça prend de l'équipement, ça prend un matelas au sol pour pas te blesser, évidemment. Ou donc, sinon, faut que tu fasses comme dans Mario Sunshine. Tu peux avoir un genre de bon bandeau sur le dos, puis là, tu jettes de l'eau à terre, puis ça te fait lever. Dans Mario Sunshine, il saute sur des cordes, il fait exactement la même chose, puis il revient d'abord. Avec une bonbonne d'eau. C'est ça, avec une bonbonne d'eau. Dans tes rêves, Mathieu. C'est vraiment ça. Je jouerai à ça, c'est au GameCube. Ah ouais, bon, ben je vais m'équiper de ça la prochaine fois que je vais y aller, puis je vais pouvoir mettre ma corde plus haute. Ben c'est ça, il aurait pu appeler ça Mario Slackline, ça aurait été pareil. Mario Slackline, évidemment, c'est sûr. Donc, c'est également fait intéressant à savoir, c'est que c'est un excellent préparatif pour les sports comme le longboard, le snowboard, la gymnastique, le surf, l'escalade, puis ou un moyen vraiment de concentration. Tu sais, comme un peu le tai chi, là. Faut que tu gardes ton chakra. Oui, oui. Il faut que tu gardes tout ça en forme. Donc, justement, pour la concentration, ça doit être excellent. Donc, c'est possible de faire un nombre incalculable de figures acrobatiques, comme je vous disais tantôt. Et puis, j'ai des records. Donc, sur la long line, le record mondial, c'est 306 mètres de longueur à traverser. Ouh. C'est pas très facile. Nous autres, on faisait 3 mètres, là, puis j'ai réussi une fois à traverser 3 mètres. 306 mètres, c'est quoi? Où est-ce que tu peux installer ça pour que ça fonctionne en pleine forêt ou... Je sais vraiment pas, mais peut-être que c'était dans une espèce de grand terrain vague qui ont été accrochés deux piliers, là, si tu veux, deux murets ou deux machins pour pouvoir justement tenir le slackline. Mm-hmm. Mais non, c'est vraiment pas facile. Puis ça s'est passé dans le fond en Allemagne, c'est là où est le record. Et puis en France, le record, c'est 185 mètres. Donc... c'est très dangereux. Tantôt, tu me disais, justement, tu me parlais de danger. Il y en a qui font ça entre les buildings, au-dessus des falaises. Ça se prend, Mathieu. beaucoup de sang-froid et pas beaucoup de peur. Hein? Faut pas que tu sois peureux. Mais je te rassure tout de suite, tu es près du sol, là, je te dirais que c'est pas très dangereux. Non. Il n'y a pas beaucoup de... Mais là, c'est sûr, fais pas ça au-dessus d'une plaque de ciment, là, parce que tu pourrais te heurter. En effet. Puis moi, vraiment, faudrait vraiment que j'aie confiance en le gars qui a installé ces affaires-là, parce que j'ai pas l'impression que ça a l'air safe, ça. Installer juste demain après des arbres. Ben, ça te prend... ouais, ben, c'est sûr que tu prends pas un fouet, là. Ça te prend un bon arbre quand même, là. Un bon baobab, là. Quelque chose d'intéressant comme arbre. Et puis, ben, comme, là, c'est comme le truc gouvernemental que je vous fais, là. Bon. C'est important de commencer par la base et d'être très prudent. Voilà. Hey, puis j'ai une question. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis cognée sur le coin de mon ordinateur. Ah, le coude. C'est encore pas. Curiosité, où est-ce qu'on peut se procurer ça? Ben, j'imagine. Ben, en fait, j'en ai pas, donc je sais pas exactement où on peut se procurer, mais sûrement dans les endroits où tu te procures du matériel d'escalade, il est possible de se procurer ça. Mais je te reviens là-dessus. OK. Donc, la semaine prochaine, une information supplémentaire sera apportée à ma chronique. Parfait, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai une question. Je voudrais juste entendre juste un bout de la pub de Clépiscine que t'as fait. OK, vas-y, go. Sérieux? Ben, je vais vous faire la première phrase. Ouais, vas-y. Cette année, Club Piscine a 20 ans et on fête ça en grand. Aïe, aïe, c'était carré. Et on voilà. On s'y croirait. Bravo, Myriam. Bonne chance dans ta continuité de pub comme ça. Myriam Fugère avec sa collègue culturelle la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, je serai là. Bon, à la semaine prochaine. Fidèle au poste. Ouais. On va écouter une pièce qui a rapport avec ça, mais juste par son nom. C'est l'élastique de Gatineau, ça n'a rien à voir. Je cherchais et il n'y avait rien. Il n'y a pas de slack quelque chose. Ça aurait été vraiment vulgaire, ça aurait été slack. Slack. J'arrête ici. Quelque chose de genre, bouge, bouge, mais qu'est-ce que tu fais? danse comme un hôpital. La salle d'attente fait l'inertie. Une sorte de science fait l'inertie. Une sorte de science fait l'inertie. Une sorte de science fait l'inertie. Une sorte de science fait l'inertie. Une sorte de science fait l'inertie. Une sorte de science fait l'inertie. Une sorte de science fait l'inertie. La pièce Quelque chose d'urgent nécessite ma présence de Gatineau. C'était précédé de L'Élastique, la pièce qui introduit celle-là. Donc, c'est sur l'album Karaoke King de Gatineau, ici dans la vie de croisière d'Assemblage Requis. C'est la fin de la troisième heure. Il nous en reste une quatrième. Qu'est-ce qu'on a en quatrième heure, Marika? Une chronique littéraire. Ouh! Oui, tu me lances. Sur ton sujet de maîtrise. Oui, donc c'est rare que j'en parle comme ça, mais oui, je m'ouvre sur mon sujet de maîtrise. T'es gênée ou quoi, là? Non, mais c'est juste rare qu'on ait la chance d'en parler un peu. Donc, C'est pas un exposé oral de 45 minutes que tu vas nous faire. Non, c'est promis. On va aussi avoir Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Vous allez tous apprécier, j'imagine, son choix. On sait jamais ce que ça va être, mais ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qu'elle a aimé pendant la semaine. Qu'est-ce qu'on a aussi? Myriam va rester avec nous. Ben oui, je serai toujours là. C'est vrai. Marie-Pierre va être là. Mathieu va être là. Ben, j'espère. C'est sinon, un fait. Je prendrai une pause. Il va falloir que je te montre comment la console fonctionne si jamais j'ai un malaise quelconque. Ça va, moi je sais, ça va être correct. Ah bon, ben, je vais avoir des malaises tant que je veux, alors. Ça tombe bien, j'écoute La vie de croisière à l'assemblage Joaquin, ça me donne mal au cœur. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour, c'est déjà la quatrième heure de la vie de croisière d'Assemblage Requis. Notre dernière pour ce jeudi. On est en direct toujours entre 13h et 17h. On repasse aussi les samedis à midi et les lundis à 15h pour ceux qui ratent un moment savoureux de l'émission. Et là, on est comme toujours sur le SS Requis, évidemment le bateau de croisière qu'on a loué gracieusement avec l'argent de C'est Fou, les nombreux dollars de C'est Fou. Et là, je trouve qu'on est comme mal situé. T'sais, on est comme toujours, Marie-Pierre et moi, sur des chaises d'extérieur, de chaises longues pour oui. animer confortablement. Et là, Myriam est comme devant nous et on lui voit pas à face parce qu'elle est comme cachée partout dans le micro nombreux. Donc, lève-toi, Myriam, lève-toi. Debout, oui, c'est long, c'est très long, se lever, oui. Marche jusqu'à l'autre micro à côté, juste là, ici. Marche comme ça, c'est bon, on aime ça. Tu vois, on va être beaucoup plus... Regarde ça, comment qu'on est plus confortable. Là, on se voit les uns les magie, autres. La magie, On va pouvoir se mettre de la crème et tout, non? Là, chacun de son bord, évidemment. Ah, tu veux pas que je crème le dos? Si tu veux. Attends un peu, je sors mon tube de crème. Bon, mais on va dans les détails. Hein? On va continuer avec les positions 4 et 3 de notre palmarès anglophone, parce que c'est ce qu'on fait, même si ça fait là un bout qu'on n'a pas fait de palmarès dans l'émission d'aujourd'hui. On était rendu à la position numéro 4. Ça va être Cardinal Family Singers avec You Will Never Take This Song, l'ancien numéro 1. Et ensuite, ce sera le numéro 3. Au numéro 3, le nom du groupe que j'adore. Enjoy Your Pumas. Okay. Avec la chanson Do It Every Day. Enjoy Your Pumas. Tu connais pas ça, hein, Myriam? C'est non. Savoureux comme nom de groupe. J'aime pas. Tellement ça. J'ai très hâte d'entendre, par exemple. T'es contente d'avoir changé de place pour ça. Ah, hein? Mais ça. Confortable. I could hear your footsteps on the floor. But I never saw you. You were dressed in black. And when I turned on the lights, everything was gone. In the snow, I found your tracks. Like you were never coming back. You only left me with my guitar. And that's the one mistake you made. You will never take this song. I can't remember.

Do It Every Day de Enjoy Your Pumas sur l'album Commonality. C'est en position numéro 3 du palmarès anglophone et ça monte d'une place. Maintenant, Marie-Pierre, La Forge Bourret, normalement, on ferait ta chronique littéraire. Cette semaine, ce n'est pas vraiment nécessairement, mais les gens comme Myriam qui aiment donc ton intro, j'imagine, hein, tu vas. Hey, ton intro, là. Non, j'ai assez hâte. Hey, bon. Bon, on va l'écouter pareil. Ah, tu l'aimes, son intro, hein? Ah, c'est donc bien le fun. Ça fait penser à la fée clochette. C'est exactement ça. Ou la fée des livres. Oh. Elle n'aime pas ça qu'on l'appelle non, la fée des livres. Non, j'aime pas ça. Donc aujourd'hui, tu nous parles d'un sujet qui te prend beaucoup de ton temps en ce moment. Oui, je vous parle de mon sujet de maîtrise. Et Colin. Bon, pour commencer, c'est un. Aujourd'hui, je vous parle d'un objet qui va peut-être vous aider à vous réconcilier avec la poésie. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu des recueils de poésie. Myriam, t'en as-tu lu quelques-uns, quand même? Repère de... recueil de haïkus. OK. Ah, c'est plus rapide à lire, ça. J'ai sûrement... Non, mais c'est des petites affaires, des petites phrases. Non, j'ai sûrement lu quelques poèmes au secondaire ou au primaire. Parce que souvent, les gens, quand on dit « Ah ouais, moi, j'aime bien la poésie », ils font « Ah, oh, moi, je comprends rien. On dirait j'aime pas ça. J'arrive pas à rien comprendre. » Ouais. Et aujourd'hui, je vous donne un petit truc pour arriver à comprendre ça. Mais juste avant... Plus de suspense, OK? Je vous parle de revues littéraires. Parce que oui, des revues littéraires, ça existe. OK? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un médium qui permet de publier, qui est peu connu. Ça permet de connaître des nouveaux auteurs parce que souvent, les jeunes auteurs vont passer par ces médiums-là. Donc, ils vont envoyer leurs textes à une revue qui va les publier. Puis, ça les fait interagir aussi avec des auteurs qui sont plus connus. Parce que, par exemple, Jean-Paul Daoust, qui est un auteur assez connu en poésie, publie lui-même dans des revues. Et il a même dirigé une revue, la revue Estuaire, à un certain moment. Et la revue, c'est un médium qui est différent du magazine parce que tantôt, tu me demandais, ouais, mais c'est comme un magazine. Parce que tu me montrais une de tes revues, tu appelais ça un magazine de poésie. Moi, non, une revue, c'est pas un magazine. OK, il y a une différence encore là. Oui. Parce que ça ressemble visuellement à un livre dans le sens qu'il y a une reliure, c'est des pages plus solides. Moi, un magazine, ça me fait penser, tu sais, une affaire que tu lis, tu sais, clin d'œil, genre, tu vis la page, puis non, c'est super mince. Puis c'est... Plein de pubs, exactement. Mais c'est ça, ce qui est différent entre une revue et un magazine, c'est que premièrement, une revue va publier des textes littéraires, va entre autres aussi des fois publier des petites critiques plutôt. Par exemple, parler de la poésie en Bulgarie, etc. Mm-hmm. Tandis que le magazine va être plutôt porté des fois sur les publicités, aussi sur les critiques de livres et les choses comme ça. Et aussi, la différence, c'est qu'une revue est publiée à peu près 4 ou 3 fois par année. Alors que le magazine serait au mois. Aux semaines, ou tout dépendant du magazine. Donc, c'est ce qui différencie les deux. Aussi, c'est intéressant parce qu'il y en a pour tous les goûts, les revues au Québec. Il y a des revues, par exemple, des revues dans lesquelles c'est des nouvelles qui sont publiées. La revue XYZ, de la science-fiction. La revue Solaris. Des revues mixtes, donc qui publient des nouvelles, du roman, un peu de poésie. Il y a entre autres Moebius. Et il y a également des revues qui publient les romans noirs, polars, mystères. Oh. Et c'est la revue Alibi. Ça a l'air bon. Donc, il y en a pour tous les goûts. Mais moi, aujourd'hui, je vous parle plus particulièrement des revues de poésie. Il y a, entre autres, il y en a au moins 4 au Québec qui sont assez connues. Il y a Arcade, il y a Lèvres urbaines, qui est publiée à Trois-Rivières, Estuaire et celle que je vous parle aujourd'hui, Exit. Donc, Exit comme les sorties de secours, là, et Excité. Donc, dans Exit, c'est des poèmes. Une revue qui est pratiquement entièrement composée de poésie. Ça permet d'apprivoiser la bête, comme j'ai dit tantôt, parce que souvent, quand on veut peut-être apprivoiser la poésie, on va dire ça comme ça, des fois, on ne sait pas trop par où commencer. Bon, quel auteur est-ce que je lis? C'est pas certain que je vais l'aimer ou quoi que ce soit. Donc, les revues, c'est un moyen de découvrir plusieurs auteurs à la fois. Parce que bon, dans le numéro que je tiens dans mes mains, qui est un peu format livre, une forme assez allongée avec des couleurs sur la pochette, absolument ça donne vraiment adorable. Envie de le lire. Oui. Honnêtement, là, en se fiant, tu sais, il y a des lecteurs de pochettes, là, en se fiant vraiment sur la pochette, ça me donne envie de le lire. Ça donne envie de le laisser sur une table pour impressionner des gens. Oui, voilà. Sur ta table de salon, là, pour faire beau. Ah, tu lis de la poésie? Non, mais oui. Non, je fais juste regarder la pochette. Ouais. Mais bon, c'est une pochette qui est assez colorée. Et à l'intérieur de ça, c'est des poèmes. Donc, dans le numéro que j'ai, c'est la revue Exit numéro 61 qui a été publiée à l'automne, aux 15 ans à peu près de la revue Exit. Oui, parce que c'est ça, tu dis, 4 fois par année, ça monte pas vite, là. Mais ça, c'est une revue qui existe depuis 15 ans. Mm-hmm. Donc, c'est quand même assez long pour une revue. Oui. C'est assez impressionnant. Dans le numéro, il y a des textes de 4 auteurs québécois. Entre autres, Frédéric Garicomo, qui a sorti un album. Je ne sais pas si vous le connaissez peut-être. Oui. Bon, il y a quatre auteurs et il y a des poèmes de Bulgarie. Donc, ça nous permet de découvrir des poètes qui viennent d'un autre pays. Bon, où est-ce qu'on pourrait trouver des poèmes de Bulgarie, sinon dans une revue littéraire? Donc, dans le numéro, tu lis et tu découvres quatre auteurs. Donc, des fois, c'est plus facile d'en lire plusieurs et à un moment donné, j'imagine, t'accroches sur un et t'as le goût d'en savoir plus. Donc, c'est ce qui nous permet d'aller vers un recueil. Donc, si vous savez pas trop comment prendre la poésie, je pense que c'est un bon moyen pour découvrir la chose. Et ce qui est le fun aussi, c'est que c'est tout le temps, c'est jamais les mêmes auteurs souvent. Parce que oui, il y a des auteurs qui vont revenir de numéro en numéro, alors qu'il y a des auteurs qui vont publier une ou deux fois. Donc, ils nous livrent une petite bribe de leur écriture et parfois, on les revoit jamais, comme on peut les revoir revenir. Et donc, c'est vraiment un médium qui est intéressant pour ça. Et c'est très peu connu. Et ça, c'est facile à se procurer. Clément Morin, ils ont plusieurs revues littéraires. Donc, si vous savez pas exactement où est-ce que ça se trouve, vous demandez... Mais voyons, sont où les revues littéraires? Il y a quelqu'un qui va vous répondre. La question clé. Allez-y, puis demandez ça. Et puis si vous voulez avoir des numéros plus vieux, parce que souvent les librairies vont tenir le numéro du moment, allez dans les librairies d'occasion. Donc, il y en a plusieurs à Trois-Rivières. Allez voir, allez jeter un œil, il y a des possibilités. Entre autres, à l'Excèdre, j'imagine. Probablement. Ils doivent en tenir là-bas. Moi, j'aimerais te demander... Qui choisit? Mais en fait, est-ce que c'est les auteurs qui envoient leurs trucs, puis bon, c'est publié si les gens qui s'occupent de la revue trouvent ça bon? Les éditeurs, sans doute, ça doit être des éditeurs aussi? Oui, dans le fond, c'est un directeur de la revue, un comité dans la revue. OK, bon, est-ce que c'est eux qui vont voir les artistes pour leur demander les poètes pour leur demander des poèmes, ou c'est vraiment t'envoies tes choses, puis ça finit? C'est quoi le motif de sélection? La revue Exit, par exemple... Ils vont faire les deux. Donc, les gens peuvent envoyer leur texte. Par exemple, toi, si demain, t'écris un poème, t'en écris une petite suite, tu dis « Ah, je veux savoir si c'est bon ou quoi que ce soit », il y a l'adresse dans la revue à laquelle tu peux envoyer tes textes. Et tu l'envoies, je pense, en 3 copies pour qu'il y en ait assez pour tout le monde, pour du comité de la revue, pour qu'ils puissent le choisir. Parce qu'ils sont pas capables de photocopier. Non, mais... c'est un petit auteur de faire un petit effort écologique. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a moyen pour les jeunes auteurs d'en envoyer. Donc, soit tu les envoies, ou parfois, c'est le comité de la revue qui va choisir un auteur et va lui demander de venir publier. C'est des choses qui arrivent. C'est une alternance, par exemple. La revue Exit avait une section qui c'était Regard, et il invitait un auteur, une section Invitation, il invitait un auteur, viens publier dans nos pages. Okay. Donc, ça varie entre les deux. Mais c'est un très bon médium pour les jeunes auteurs qui savent pas... parce que c'est souvent difficile de publier, que ce soit une nouvelle, un roman, des poèmes, c'est difficile de publier d'un coup. Donc, ça, c'est une petite porte d'entrée. Ah, c'est pour ça que j'aime tant ce médium-là. Ça paraît. Mais donc, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil sur la revue Exit, évidemment, que c'est de la jeune poésie, des jeunes auteurs. Mais sinon, il y en a pour tous les goûts dans les librairies. Donc, je vous rappelle les noms. XYZ, facile à retenir, des nouvelles. Solaris, pour la science-fiction. Moebius, pour un peu de tout. Et Alibi, pour ce qui est de polar, Alibi, roman noir. J'avais déjà entendu parler, il y avait une espèce de, je crois, une espèce de concours qui était organisé pour justement une publication d'un polar. Là. Ça se peut très bien. Ouais. Non, ça avait l'air intéressant, celle-là. Je pense que ce serait celle vers laquelle je m'en irais. Non, moi aussi. Ouais. Dépêchez-vous. Allez découvrir ça. C'est tout, Marie-Pierre. Oui. Merci. Mais ça fait plaisir. Est-ce qu'on va pouvoir se procurer ton, comment t'appelles ça, ta maîtrise, ton truc de... Dans 2 ans et demi, 3 okay. ans, là. Comment à la bibliothèque. Comment? Comment elle ça? Je prends ça, hein? Donc, merci. Et puis, une autre chronique littéraire ou autre nom. Oui. Une autre fois. Voilà. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis. Il nous reste vraiment pas beaucoup de musique à entendre dans le palmarès, dans le top 20 anglophone. On est déjà rendu presque au sommet. Et comme on a beaucoup de chroniques qui s'en viennent, dont la deuxième partie, c'est un fait, et Stéphanie Gagné qui s'en vient avec son plat favori dans quelques minutes. On va tout de suite aller entendre nos prochaines positions. Commençons par la deuxième, vu qu'évidemment, on ne dit jamais le numéro 1 parce que c'est une surprise qui mérite des jeux de mots. Donc, écoutons Timber et Blackwater. Sur C'est fou. 89.1 FM. Blackwater, c'est celle-là ici. Non, celle-là ici. Ah. All I need is some sunshine. All I need is all I need is some sunshine. for the caves, and in the tar beyond those birches, there's a spirit that I crave, and from the island people watched you. You set that Viking ship ablaze. We reached the moon falls, icy cauldron, and found the spirit that I crave. Oh, I need some sunshine. The tree line, peeping bone-eyed birches sway, and a thousand whitefish floating belly up in the spirit that I crave. And we threw ourselves right into it, later bodies had been claimed. We dove a third, a fourth, a fifth, back to the spirit that I crave. Oh, I need some sunshine. Oh, Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Totally confused by you. Tout l'été, Marie-Pierre et Mathieu vous montent bateau. Vous écoutez la vie de croisière d'Assemblage Requis. Toujours la vie de croisière d'Assemblage Requis sur C'est fou 89.1 FM. Quand je commence à parler, ça veut dire qu'on est en onde. Steph. Elle compte dans sa tête, dérange-la pas. Elle n'a pas le droit de parler si sa musique n'a pas joué encore. Mais bon, comme on n'est pas encore rendu là et qu'on ne sait pas parler de sa chronique encore, on va aller entendre le numéro 1. Hey, numéro 1, tout le monde! Tout le monde est excité, il n'y a personne qui veut faire du bruit. Juste un peu. Bon, j'en demande beaucoup, hein? Stéphanie applaudit, c'est un ordre. Bon, voilà. Donc, numéro 1, ça veut dire que c'est le moment de faire des jeux de mots. Parce que moi, vous le savez, je ne peux pas concevoir d'écouter les numéros 1 ou le numéro 1 sans faire de jeu de mots. Okay. Je ne peux pas supporter ce genre de malheur. Mathieu, je te mets de la pression parce que cette semaine, c'est un facile. Ben là, est-ce que tu mets en doute mes talents? Hey, j'en fais un, OK? OK, vas-y. Hey, bonne pour imiter ça. Refais-le. Wow, on dirait vrai. Non, je disais que je ne supportais pas, ça fait partie de mon jeu de mots parce que le verbe stand, supporter, ça va, on a compris. T'sais, est-ce qu'il va falloir que je me lève debout pour l'expliquer? Comme ça, debout dans le studio. Stand, ça veut dire. Arrête, tu fais de la houle. Excuse-moi, je voulais pas te donner mal au cœur. Écoutons, elle dit quoi faire, hein? Et ça fait, c'est sa première chronique. Très directrice. Ouais, t'es très, très maternelle, je te dirais. T'es comme ma mère. Mother. Lève-toi pas, là. Non? Oups, mon Dieu, j'ai eu Qu'est-ce que t'as fait? Elle a débranché ses écouteurs. Ouais, c'est un beau moment qu'on vient de vivre. Excusez. Je trouve ça vraiment bien. Donc, The Stand, The Mother, je pense que ça fait le tour de la joke. Hein? C'est bon. Super. Ben. Hey! C'est la chanson qui chante par-dessus. Comme ce qu'il y a raoté. Tell me your weakness. Or I keep it a secret. Oh, come on, just one bite. Okay, it's vodka on ice. Then there's women on bikes. Oh, just the women who straddle. Oh, now you are a handful. I forgot about handfuls. Tell me your fears. Okay, it's everyone here. You mean just all of the people? Yeah, and all of their peers, and all of their pets, and their chandeliers, and their cigarettes. I haven't smoked in years. I can hardly stand the sight of it all. I can hardly stand the sound of it all. I can hardly stand the taste of it all. The human race, but for the planets and the stars and everything else in Mars, it's like paradise spread out with a butter knife. I can hardly stand the sight of it all. I can hardly stand the sound of it all. I can hardly stand the taste of it all. They don't even know. Everyone's and they don't even know. Everyone's everyone's everyone's everyone's and they don't even know. Everyone's and they don't even know. They don't even know. They don't even know. I can hardly stand. they don't even know. Everyone's fucked and they don't even know. La pièce The Stand de Mother Mother, position numéro 1, ça monte d'une place du côté anglophone. Et là, je répète mon jeu de mots, OK? The Stand, se lever debout, puis supporter, c'est comme deux synonymes. Puis Mother Mother, comme t'es ma mère. C'est pas mieux quand je les explique, hein? C'est pas plus drôle, hein? C'était bon, c'était bien essayé quand Merci. Même. Ouais. En anglais, c'est dur. En français, c'est plus facile. Hein? Hein? Bon. Oui. Eh oui. On va parler avec Stéphanie Gagné un petit peu. Voici sa chronique Ton plat favori. Je suis ton plat favori. Ah, c'est comme le girly show aujourd'hui à la ville croisée de l'Assemblage Rocky. On a Myriam Fugère, Marie-Pierre Laforge-Bourret, Stéphanie Gagné, puis l'autre, là. T'es vraiment chanceux, je trouve. C'est vraiment un des meilleurs moments de ma vie, en fait. C'est ton harem. Ouais. Donc, Stéphanie, ton plat favori, c'est la chronique où tu présentes ton coup de cœur du moment. Oui, et cette semaine, c'est deux CD que j'ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Et le premier, bon, on en a entendu pas mal parler, vous l'avez eu en entrevue, c'est la semaine passée, je pense. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Ouais, deux semaines. C'est City and Color d'Alice Green, qu'on connaît de Alexis on Fire. Moi, je suis une maniaque de City and Color. Vous autres, est-ce que vous trouvez? Moi, j'adore. Non, pas je pas le connais pas assez encore. Oh, mon Dieu. Moi, son premier album, là, Repeat, Repeat, Repeat, je l'ai vraiment adoré. C'était Sometimes en 2005. Okay. C'était pas le nom de l'album, là. Repeat, Repeat, Repeat. Non, c'est moi qui le mets sur Repeat. Ah. Non, le titre de l'album, c'était Sometimes. Il est sorti en 2005. C'était super acoustique. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui l'ont critiqué parce que la plupart des chansons se ressemblaient pas mal. C'était lui, sa guitare acoustique, et c'est ça. C'était le même mood tout le long de l'album. Très triste, très emo, là, que le monde dise. Mais on aime ça quand c'est triste. Oui, moi, j'aime ça. Puis de toute façon, comme la plupart des artistes font la musique triste parce que c'est comme leur thérapie, là. Puis en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. J'ai vraiment aimé l'album. Le deuxième album, Bring Me Your Love, en 2008, je l'avais aimé aussi, mais j'avais un peu moins embarqué. C'était un petit peu plus folk. Il y avait du banjo, il y avait rajouté d'autres instruments, de l'harmonica, etc. Mais moi, j'étais restée stickée sur le triste emo du premier album que j'avais vraiment, vraiment, vraiment aimé. Et là, le troisième album est vraiment différent de ce qu'on connaît du premier album. Little Hell, qui est sorti le 7 juin. Il y a vraiment d'autres instruments et d'autres styles. C'est pas du tout... Il y a des pièces acoustiques, comme du premier album, mais il y a encore de l'harmonica, du banjo. Il y a des pièces un petit peu plus blues. C'est assez différent, mais j'ai quand même bien aimé. Ça fait un peu plus de diversité. Donc, les gens qui l'ont critiqué pour avoir un album... pareil, de chaque chanson, vont aimer cet album-là, d'après moi. C'était quand même assez bon, mais moi, évidemment, j'ai préféré les chansons super tristes et super calmes. Oh Sister, qui est vraiment, vraiment... Myriam mime qu'elle se tranche, ouais. Oui, mais c'est vraiment bon. Hey, elle se perd quand elle est violente. Et en plus... C'est une balle dans la bouche. Ouais, la plupart des chansons qu'il a écrites pour cet album-là, on connaît l'histoire... Genre, Oh Sister, c'est à propos de sa sœur qui a eu des problèmes psychologiques pendant qu'il était en tournée, nanana. Puis une autre pièce qui est avec sa copine, c'est quoi dans son nom? La fille qui joue dans So You Think You Can Dance, l'animatrice, là. Tu me connais bien. Kate Cat Daly. Leah Miller. Non, c'est Leah Miller. So You Think You Can Dance, Canada. Ah, Canada. Je m'excuse. Canada, je m'excuse. J'ai pas nommé l'américaine. C'est une pâle copie, là, de l'américaine. Ouais, c'est ça. Leah Miller. Puis en tout cas, il a écrit une chanson à propos d'elle, parce qu'elle avait des night terrors puis tout ça. Là. C'est quoi ça, tu te mets à crier dans la nuit, genre? Ouais, mais c'est ça, c'est comme t'as des... pas des folies. Des ouais, terreurs comme, nocturnes. Ouais, c'est ouais. Ça, c'est que tu te lèves en plein milieu de la nuit, puis tu cries, puis tu capotes, mais tu t'en rappelles pas le lendemain. Ah ouais? Un semi-somnambuliste. Ouais, c'est la chanson Fragile Bird qui est écrit. Cette tune-là est assez différente de ce qu'on connaît, et c'est le premier single, ouais. Mais c'est pas la pièce que je vais faire jouer. Moi, je vais faire jouer ma préférée de l'album. Et Myriam, tu peux te trancher les poignets parce que c'est une chanson tranchante. Merci de m'y inviter. C'est Northern Wind de l'album Little Hell. C'est ce qu'on va l'entendre. Dans la vie de croisière d'Assemblage Rocky. On fournit les couteaux, si tu veux. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Vraiment gentil. You're the Northern Wind, sending shivers down my spine. You're like falling leaves in an autumn night. You're the lullaby that's singing me to sleep. You are the other half. You're like a missing piece. Oh, my love. Seasons roll into one. You're like the cold December snow in the warm July sun. I'm the jet black sky that's just before the rain, like the mighty current pulling you under the waves. Before the dawn, and I'm slowly sinking into the slough of despond. Like an old guitar, worn out and left behind, I have stories still to tell that of the healing kind. CBN Color avec Northern Wind de l'album Little Hell. Ouais. J'ai pas mes écouteurs, hein. J'étais-tu Right ouais, on Time? Jusqu'à. Je vais leur marquer et donner un petit signal. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette chanson-là, on a une surprise pour vous parce qu'on fait tirer le CD de CBN Color. Oui, pour les gens qui nous écoutent le jeudi 16 juin en direct à 16h39, on a un CD pour vous. Vous pouvez nous téléphoner au 819-376-5183, donc 819-376-5183, ou sinon, la première personne qui nous écrit un message sur Facebook, sur la page d'Assemblage du Requis, où il y a un bateau et un ciel bleu. Oui. Oui. Donc, si vous appelez ou vous écrivez sur Facebook, le CD est pour vous. Voilà pour les auditeurs du jeudi 16 juin. On est toujours avec Stéphanie Gagné dans le cadre de sa chronique « Ton plat favori », et puis est un autre plat pour nous. Oui, en fait, c'est un petit à côté. Là. C'est pas mon plat favori parce que l'album. Ouais, c'est ça. L'album au complet, je l'ai pas écouté assez pour vraiment embarquer, mais il y a une pièce que j'ai beaucoup aimée. Enfin, bref, c'est le groupe Anne Horse, un groupe dont j'ai beaucoup parlé, que personne connaît, mais que j'en ai parlé tellement souvent, tu dois être tanné, Mathieu. Non, mais je sais que tu nous as parlé de ça, entre autres, dans la chronique, ici même, ton plat favori. Oui, quand je les ai découverts en janvier. 2010, je crois. 2010. Ça fait longtemps. Ouais, ouais, ça doit être 2010. Parce qu'ils étaient en première partie à ce moment-là de Tegan and Sarah. Exactement, quand j'étais allée les voir en spectacle deux fois, deux semaines de suite. Et Anne Horse faisait la première partie et je les avais vraiment aimés. Mais moi, j'ai l'habitude d'aller voir un spectacle. Puis quand j'y vois en show, là, je capote. Mais quand j'écoute le CD, je trippe pas trop. Je les avais déjà entendus sur MySpace. J'avais pas capoté. Après ça, j'étais allée les voir en show. C'était vraiment, vraiment bon. Et là, je pense que ça va faire la même chose parce que leur premier album, Rearrange Bands, je l'avais vraiment aimé. Il est sorti en 2010. Puis comme Mathieu disait, je les ai connus en première partie de Tegan and Sarah. Et j'avais vraiment, vraiment aimé cet album-là. Je l'ai écouté assez souvent. C'est un des groupes qui ont eu la chance d'avoir une de leurs chansons dans des publicités, dans une publicité de Mercedes-Benz, la chanson Postcards, une excellente pièce de l'album. Mais cet album-là, j'ai pas encore accroché. Sûrement que si je le revois en spectacle, je vais plus accrocher. C'est l'album... coudonc, j'ai un blanc de mémoire. Walls. L'album Walls qui est sorti au mois d'avril, fin avril, 26 avril. J'ai pas tant capoté, mais le premier single, Dressed Sharply, qui est aussi la première pièce de l'album, j'ai assez aimé. Elle ressemble pas mal à ce qu'ils ont fait dans leur dernier album. Ça ressemble un peu à Postcards, Camp Out, Company, etc. C'est assez bon. Vous autres, vous connaissez pas ça, Anne Horse, non? J'avoue que ça me dit rien. Un groupe australien vraiment bien bon. Bien hâte d'entendre dans ce cas. C'est très bon. Alors, on va aller écouter ça. Dressed Sharply and Horse. D'accord, dans la vie de croisière d'assemblage requis, c'est la chronique ton plat favori. Dressed Sharply. On l'a eu. Ben oui, je l'entendais dans les oreilles à Myriam. Quand même pas fait. Quand même. C'est bon, ça. Ben oui. C'est bon, hein? Oui. Ça ressemble vraiment au premier album. Mais ça ressemble pas au reste de l'album mais qu'il y a là. Je comprends que ça peut être en première partie de Tegan and Sarah. Ça ressemble, parce que ça ressemble un petit peu, ouais. Mais Tegan and Sarah, c'est meilleur, mais tu sais, aussi, c'est bon. Bon. Ouais. C'est tout? C'est tout, mais là, tu voulais-tu que j'aille d'autres plats favoris, là? Non, mais c'est correct, t'as le droit. T'en avais deux, c'est déjà pas mal. Ben, c'est ça. Voilà. Deux dans le même bol ou deux bols différents, ça? Deux bols différents. Ouais, okay. Un gros bol principal. Un petit à côté. Ouais. Non, moi, j'ai pas de plat favori, en fait, pour cette semaine. J'en aurais eu un, mais... T'as même pas des crudités. Crudités, c'est François-Louis. Moi, c'est le dessert. C'est que j'ai pas le temps de la faire jouer. Il reste pas assez de temps dans l'émission. Il reste pas assez de temps. Ben, on pourrait, là, mais c'est ça ou c'est un fait. Vous avez le choix, t'sais. Le fait. Bon, tu vois, c'est la réponse que je voulais, étant donné que... Fallait trancher. Ben, voilà. Voilà. T'es un gâteau, mais pas en tout cas. Donc, c'est un fait. Ça vous tente tout de suite comme transition très, très classique oui, et oui. Subtile avec « C'est un fait ». La chronique, c'est un fait, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables. Ici, dans la vie de croisière d'Assemblage Requis, je vais vous enseigner des choses là, en rafale, des choses que vous allez aimer, toujours en compagnie de Myriam Fugère. Hello? Marie-Myriam? On est à la radio, tu peux pas juste faire des hochements de tête. Ouais, je suis toujours là. D'accord. Marie-Pierre Laforge-Bourret? Oui. D'accord. Stéphanie Gagné? Non. Non. Je vais faire changement. Ouais, c'est ça. Moi, c'est Mathieu. C'est original. Ouais. Ah, elle sait. Une unique femme, disons. Commençons par ce fait-là. En 1907, une campagne publicitaire. Qu'est-ce qu'il y a là? Je dis que je suis unique dans mon choix vestimentaire aujourd'hui. Ben, c'est sûr qu'un chandail avec un logo comme ça, c'est classique. Hein? Tu peux commencer ta chronique. Ouais. En 1907, une campagne publicitaire pour les cornflakes de Kellogg's. Ça offrait une boîte de céréales gratuite à n'importe quelle femme qui faisait un clin d'œil à son épicier. Hey, hein? C'est malade ça. Génial. Hein? C'est la cause féminine a avancé depuis, je pense. Ouais, ben moi, mon clin d'œil change ma face au complet. OK, montre. Ben, je peux te montrer ça, là, regarde. Il faut qu'elle se force pas mal, hein? Ouais, l'autre bord, c'est encore pire. Ça bouche au complet, ouais. Bouge. Ben oui, tout bouge. Faut monter la joue pour fermer l'œil, ouais. Sinon ça marche pas. Ouais. Non, moi, le clin d'œil subtil, pas capable. Impossible. Pas grave, t'aurais encore plus de céréales. J'ai pas... ouais, c'est ça. J'ai encore plus... un peu encore plus de mérite. D'accord. Le premier Dunkin' Donuts et le premier... le premier Dunkin' Donuts, restons là-dessus, a été à Quincy, au Massachusetts. Je savais pas que ça avait commencé, le Dunkin' Donuts. C'est un fait inutile à savoir, c'est toujours le fait. Ils sont chanceux. C'est quand même pas bien. Alors qu'ici, ils ont tout fermé, t'sais. Donc ça finit ici, si on veut, les Dunkin' Donuts. Ça a commencé au Massachusetts, puis Trois-Rivières, Cap-de-Madeleine, ciao, bye, c'est fini. Je sais pas s'il en reste-tu à Trois-Rivières? Pas en Mauricie, je pense. Au Mauricie au complet. Non, il en reste. Attention, si vous vous en ennuyez, à Joliette, il y en a encore. Ah, Colin, pour l'instant. Il y en a encore à Gatineau. À Gatineau, pour l'instant. Non, mais Gatineau, c'est assez gros pour qu'il en reste peut-être. Rice-A-Roni, est-ce que vous connaissez le Rice-A-Roni? C'est du riz. Hein, c'est comme en genre de boîte, puis là, tu fais ça, c'est comme instantané, genre, c'est pas la fin. Il appelle ça le San Francisco Treat. C'est basé sur une recette arménienne de riz pilaf. Ça vient d'Arménie, le Rice-A-Roni, la recette. Le Earl of Sandwich, on dit souvent, c'est lui qui a inventé les sandwichs. Le Earl of Sandwich, qui aurait donné son nom à la collation. Mais non, il ne l'a pas inventé, même si c'est lui qui a donné son nom. Le premier exemple de sandwich vient du premier siècle, le tout premier siècle, alors que le rabbin Hillel a pris des noix tranchées, des pommes, des épices et du vin. Il a mis ça entre deux morceaux de matzo, qu'on appelle M-A-T-Z-O-H, si vous voulez googler ça sur Google Images, pour faire ce qu'on appelle un carrosé ou un charrosé. Non, parce que si je le décris, ça va pas donner grand-chose. M-A-T-Z-O-H, je vais vous décrire physiquement de quoi ça a l'air, là. Le pain. Ça doit avoir l'air d'un gros hot chicken parce que ça doit être tout détrempé à cause du vin. Peut-être, mais s'il n'y en a pas tant que ça, ça pourrait juste faire, je sais pas, coller le reste. Mais ça ressemble, je te dirais, à des genres de pain carré, grillé. Ça ressemble, si tu le regardes de loin, à un biscuit soda, mais c'est pas ça. Okay. Visuellement, ça a l'air de sorte. C'est tellement drôle que tu parles de ça parce que l'autre jour, je me suis astinée avec mon ami pour dire que non, c'est pas Monsieur Sandwich qui a inventé le sandwich. J'ai dit, ben oui, sinon, ça s'appellerait pas un sandwich. Mais là, j'étais comme, ben là, ça se peut pas que ça ait été inventé là, quelques années, là, le sandwich. Ouais. Il a donné son nom au moins, quand même. Ça, c'est vrai que le nom vient de là, mais c'est pas lui qui l'a inventé, apparemment. Bon. OK. Quand un enfant arrive à l'école primaire, d'accord? L'enfant moyen arrive à l'école primaire, il a été témoin de 200 000 actes de violence et 40 000 meurtres à la télévision. 40 000 meurtres. 200 000. C'est tellement beaucoup. Surtout quand on pense aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu les vidéos qui circulent sur Internet de ce qui s'est passé à Vancouver. avec les Bruins. Oui, exactement. À cause de la Coupe Stanley, mm-hmm. les gens sont effroyablement méchants. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Des saccages incroyables. Il y a un homme qui s'est fait abattre dans la rue parce que... Il s'est fait battre dans la rue par des gens qui essayaient de défoncer des vitrines. Non, c'était vraiment incroyable. J'en revenais pas. Tu peux pas. Ma choc. Mais moi, je me dis qu'avoir été à Montréal, ça aurait été pire. Sûrement. Fait que je suis contente que ce soit loin. Ouais, c'est ça. À Montréal, je trouve, j'ai l'impression, en tout cas, c'est peut-être moi qui ai une mentalité un peu pessimiste de Montréal. Si tu voyais mais les images, là. À Montréal, en tout cas, je me rappelle l'année passée, quand on a gagné le septième match de la deuxième série, c'était contre les Capitals, je pense. Pas grand monde qui écoute le hockey ici. Ah. En tout cas, puis tout le coin proche du cégep, là, ça pitchait des TV en bas des fenêtres. On avait gagné, là. On avait gagné et ça saccageait partout. J'ai un de mes amis qui s'est fait arrêter tout le kit, là. Puis on avait gagné. Puis c'était juste la deuxième série. Fait que si on avait perdu en finale de la Coupe Stanley, ça aurait été horrible. Puis on est juste à Trois-Rivières, là. À Montréal, mais ça aurait été horrible. Tu sais, vous avez dit tantôt que vous étiez content que ce soit à Vancouver. Moi, j'ai une amie qui est à Vancouver présentement et je suis contente de savoir qu'elle n'écoute pas le hockey. Ouais. On va se dépêcher, il nous en reste encore quatre. Pour commencer, Henry Ford. Vous connaissez le gars avec les voitures et tout ça, qui n'a jamais eu de permis de conduire. Ça fait vraiment très intéressant, quand je trouve. Dracula est l'histoire la plus filmée de tous les temps. Ensuite, Dr. Jekyll et Monsieur Hyde en deuxième place et Oliver Twist en troisième. Donc, différentes versions de ces films-là qui ont été faits, de ces récits-là. Robin Williams, l'acteur, hein, qui a nommé sa fille Zelda d'après Princesse Zelda dans les jeux vidéo Legend of Zelda. Je savais pas ça. C'est un grand fan de jeux vidéo. Il est rendu à presque 60 ans. Grand gamer, qui joue à Call of Duty, entre autres. Et puis, c'est un grand fan de Zelda. Donc ça, c'est Robin Williams. Et on termine avec une femme. On parlait tantôt de la triste nouvelle de l'homme au piercing et au tatou de Trois-Rivières qui est décédé, disons-le comme ça. C'est un peu le mot. Il y a une femme qui a eu 3200 piercings en une seule fois. Elle s'est assise. Et puis 3200 piercings d'un coup sec. Un record qui n'est pas encore officiel d'après Guinness, mais c'est Stacia Randall qui, évidemment, a eu le plus de douleurs possible au monde. J'imagine que ça pourrait être un record, ça aussi. Les piercings ont été faits par Bill Danger Robinson. Danger! De chez Intoxicated Tattoos à Las Vegas. Randall, au début, voulait... c'est 30 ans! voulait battre le record de 3100 piercings en y allant avec 3600. Par contre, elle a décidé que c'était correct, 3200, en autant qu'elle dépasse le record. Ces piercings sont faits à l'arrière de ses bras, dans le haut et dans le bas de son dos, derrière ses cuisses et à l'arrière de ses, je crois, ses mollets, calves. Ah, mollets. Mon Dieu, derrière les cuisses, quand tu t'assois. Ah! Oh, derrière les mollets. Pas plaisant. Mais c'est d'imaginer aussi, tu sais, quand t'en as autant puis que t'es enlève, tu décides que t'en veux plus, là, c'est parce que ça doit faire tellement de cicatrices épouvantables. Ouais, mais dégueulasse. L'utilité là-dedans, t'as ton nom dans le livre des records pendant genre un an avant que quelqu'un d'autre le batte. Puis combien il y a de gens qui ont leur nom dans le record? Puis après ça, t'as honte pour le restant de ta vie. Ouais. Oh mon Dieu. Je sais pas, j'aime pas ça. Voilà pour la chronique, c'est un fait, les amis. Wow, t'as fini ça sur une belle note. Ben quand même, hein? Traumatisé. On se dépêche, il nous reste très peu de temps. On écoute un petit peu de Karim Ouellet avec Après tout, parce qu'après tout, l'émission doit bien finir à un moment donné. Puis après ça, ben, on va parler peut-être avec Marie-Michel sur l'émission Une dose d'estrogène. That's it. Mais quand je m'entends, t'as pensé de même. Alors j'entends ma voix qui insiste. Karim Ouellette avec la pièce Après tout dans la vie de croisière d'Assemblage Rocky. C'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui. On se quitte comme ça, de même à la fin d'une émission chargée avec tellement de gens en studio. C'est Marie-Michel Caron qui va rester avec vous pour une dose d'estrogène. Qu'est-ce qui s'en vient, Marie-Michel? Eh bien, on va parler du théâtre des gens de la place également. Laisse-moi réfléchir. En tout cas, on va parler de plein de nouveautés à Trois-Rivières, puis aussi de la bonne musique. J'ai bien hâte d'entendre ça. Une dose d'estrogène, c'est juste après nous à 17h le jeudi. Ça rejoue vendredi à 18h. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Simon Fitzbé qui a été là, merci à lui. Myriam Fugère, merci. Il n'y a pas de micro. Ça me fait plaisir. Voilà. Stéphanie Gagné. Moi aussi, ça me fait plaisir. À toi, Marie-Pierre Laforge-Bourin. À toi, Mathieu Plante. Est-ce qu'on oublie quelqu'un? Non. Bon, alors on se quitte avec une pièce de Vampire Weekend, c'est Cousins, et on se retrouve jeudi prochain à 13h, on rappelle samedi midi et lundi 15h. Évidemment, la balado-diffusion et les notes de l'émission sont sur notre page Facebook Assemblage Rocky ou encore sur assemblagerocky.com. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye.